finale. C'est fini. C'est fini, Loulou Nicolas. Montpellier, René Girard et ce groupe magnifique. Premier mot, premier ils sont champions de France. Regarde. La bataille était le match. La bataille était le match, ce moment-là. On est les champions, putain. On est les champions. Bonsoir à tous, nous sommes sur Sport & Chill, un plaisir de vous retrouver. Nous sommes le lundi 16 avril et c'est l'émission 28 de cette saison 3 de Sport & Chill. Ce soir, une émission un peu différente puisqu'on va parler d'un sujet de fond, à savoir le handisport et aussi le sport adapté. On verra un peu la différence tout à l'heure. Avant ça, on va parler de Champions League, Top 14, les Amsterdam Gold Race, pardon, moi j'ai marqué Flandre, mais c'est la semaine prochaine, ça arrive. Le GP de Chine aussi, les sports montpelliérains comme d'habitude, avec un bilan ce week-end de 4 victoires, 0 match nul et 4 défaites, donc un bilan équilibré. Et après l'entretien donc handisport, on parlera donc championnat étranger en football parce que là, ce week-end, il y a eu beaucoup de sacres et de titres dans les divers championnats. On fera un point de fin de saison des quatre championnats majeurs, donc la Première Ligue, la Bundesliga, la Liga et la Serie A. On va commencer avant, je vous présente peut-être. T'es pas obligé. Il a oublié les réflexes celui-là. À ma droite, il y a Dimitri. Salut Dimitri. Salut, bonsoir. Une semaine d'absence, tu perds tes moyens. C'est ça. Plus d'un coup. D'ailleurs, Paul, bonsoir. Bonsoir Flo. Et merci. Qui a repris magnifiquement l'émission la semaine dernière avec Romain. Tim, salut. Salut. Et notre... Le salut, le pas plus de France. Ouais. Et notre, tu as passé une intime. Notre programmateur musical qui change ce soir. Ah, là, pour une fois, ça va vous régaler, je pense. C'est Guillaume, un passage au témoin. Perdre en qualité, je pense. Mais non, je pense pas. Le maître a pris les volets. On passe en transition au résultat de la semaine. Sport & Chill, les résultats. On va commencer avec la Formule 1 cette fois-ci. C'était le GP, donc le Grand Prix de Chine. Donc au terme d'une course riche en rebondissements, c'est Daniel Ricciardo des Red Bull qui a remporté sa 6e victoire de sa carrière ce dimanche en Chine. Donc longtemps leader, Sebastian Vettel chez Ferrari n'a fini que 8e. Surprise. Est-ce que vous avez des réactions sur ce GP Oui. Un peu différent. Bien sûr, Vettel perd des points précieux déjà dans la course au titre, on le sait, contre Hamilton. Étant donné qu'il était le plus rapide sur ce Grand Prix, on l'a vu dans les essais, dans les qualifs. Et malheureusement, encore on parlait de la fougue de Verstappen il n'y a pas si longtemps. Et bien là, on l'a vu qu'il a eu un dépassement un petit peu trop audacieux sur Vettel. Et finalement, les deux sont partis en travers. Et évidemment, ça fait les affaires de Hamilton et de Bottas, qui auraient pu faire mieux. Mais il y a eu une très bonne stratégie des Red Bull qui a permis au seul Red Bull qui restait, donc Ricciardo, à voler seul en tête et à remporter un derby qui est... Le derby de Rome qui est déjà dans ma tête. Et à remporter une course qui, au départ, n'était pas vraiment offerte, mais finalement, la stratégie des Red Bull a payé et Mercedes aurait pu faire encore mieux. Et finalement, voilà, c'est les seconds qui ont fait le podium avec Ricciardo, Bottas et Raikkonen derrière. Donc... petite surprise et évidemment une grosse déception pour Vettel qui était le plus rapide sur ce week-end et qui malheureusement termine que 8e quoi. Et puis en français, on a été très loin. Très loin, on s'en doutait. La Sauber qui a fait un très bon week-end la dernière fois. Et puis là, évidemment, c'est un grand prix. Ouais, Grosjean finit 10e, c'est lui qui un petit peu sauve les meubles. Mais derrière, c'est très très loin. Et évidemment, sur. Grosjean finit 17e, non ? Non, c'est 10e, c'est Ocon. Ocon 11e. Ouais. Donc justement, j'allais dire Ocon, voilà, c'est encore une fois, c'est le seul espoir régulier. Il allait peut-être pas faire de grosses performances d'affilée, il rentre un peu dans le rang, mais on avait de quoi nourrir des espoirs si la voiture était aussi bonne cette année. Malheureusement, c'est pas vraiment le cas. Ah, tu penses qu'elle est pas aussi performante qu'on pouvait penser? Non, ça sent en termes de temps, en termes de qualif et d'essai, on voit de suite que la voiture elle est moins bien que l'an dernier. Elle est limitée, quoi. Ouais, à mon avis, il va se cantonner au milieu de classement comme ça pendant un petit moment, il ira pas plus haut. Est-ce que le principal concurrent de Hamilton cette année, c'est peut-être même pas son coéquipier, à savoir Bottas? Alors oui, c'est un très bon pilote, il a forcément une bonne voiture qui est peut-être moins bonne que celle d'Hamilton vu que c'est le numéro 1, mais cette année Ferrari est quand même une très belle voiture, hein. Sur toutes les courses ils ont été quasiment les plus rapides, Donc je pense quand même que les deux numéro 1 des deux grosses écuries vont être les premiers concurrents pour le titre. Mais c'est vrai que Bottas et Raikkonen, ce sont des très bons seconds. Et en l'occurrence, ils ont quand même deux voitures compétitives. Donc oui, ça peut être des gros outsiders. Mais je pense quand même que les numéro 1 de chaque écurie, c'est avec eux ça va se jouer à mon avis. Ok, très bien. Comme l'an dernier. On passe sur le cyclisme. Il y avait l'Amstel Gold Race, une autre classique de cette saison cycliste. Et c'est, on va voir avec Paul si c'est une petite surprise ou pas pour lui, Michael Valgren de Astana qui a surpris les favoris dans le final de l'Amstel Gold Race en s'imposant au sprint à deux contre un ancien, Romain Kreuziger. À savoir que les Français, donc Julien Alaphilippe piégé, doit se contenter d'une 7ème place. Est-ce que c'est une surprise pour toi de la victoire de Valgren devant un ancien et aussi Enrico Gasparotto qui est 3ème? Pourquoi les favoris n'ont pas suivi une surprise? Parce que c'est qu'un outsider, il faisait pas partie des favoris. On s'attendait plutôt à des Valverde, des Sagan. Sagan qui a d'ailleurs été très bon, je trouve. Mais c'est une course qui a été sans mouvement jusqu'à 40 km de la fin, où tous les favoris ont commencé à se montrer. Et à la fin, donc, un groupe de favoris s'est détaché. Et Valgren qui a fait beaucoup travailler Fuglsang s'est échappé au meilleur des moments. Peter Sagan qui plusieurs fois a fait le lien a décidé de cette fois-ci de ne pas aller le récupérer, et du coup Alaphilippe et Valverde n'ont pas osé aller chercher Valgren qui était parti avec Kreuziger et Gasparotto. Du coup les favoris se sont marqués, les trois devant en ont profité, et Valgren au sprint était meilleur que Kreuziger. Et je pense que Sagan a aussi influencé la course, parce que c'est lui, je pense, qui a décidé qui voulait faire gagner, parce qu'on savait qu'au sprint c'était lui le plus dangereux, c'est lui le plus rapide. Et je trouve ça dommage de la part de Valverde ou même d'Alaphilippe de ne pas avoir tenté autre chose. Mais après je pense que c'est aussi une question de jambes, donc ça on verra si elle sera mieux à la Flèche Wallonne. À noter que Valgren avait fini second de l'Amstel Gold Race il y a deux ans. Donc c'est un habitué. Et qu'il a gagné cette année la New World's Wild cette année. Aussi. Et il a fini quatrième, je crois, sur. C'était avant Paris-Roubaix, c'était là le Tour des Flandres. Tour des Flandres. Ouais. Où il finit quatrième, je crois. Parlé. Il finit quatrième. Donc les Danois qui sont représentés avec Fuglsang et lui. Donc, finalement, c'est pas si grosse surprise que ça. Moi, j'aurais jamais pensé à lui parce que moi, j'avais en tête les principaux favoris. On peut penser aussi à Gilbert et Van Avermaet qui ont été absents, Katowski aussi. Donc, c'est une surprise parce que il n'était pas annoncé comme les prétendants à la victoire, mais c'était un outsider et il a montré qu'il a profité du marquage des favoris pour s'imposer hier. Je te laisse continuer justement sur le rugby et le top 14 qui a eu lieu, qui a eu lieu ce week-end. Donc c'était la 24e journée. Une 24e journée qui a commencé par un joli choc au Vélodrome entre Toulon et Montpellier. Victoire finalement des Toulonnais 32-17. Montpellier a fait tourner, on y reviendra. Exact. Clermont s'est imposé face à Bordeaux 33-3. Oyonnax, dans le match de la peur, s'est imposé face à Brive 40-17. La section paloise a perdu à domicile face à Agen. C'est une des surprises de cette journée-là. Le Lyon a cartonné face au Stade français 44-3. La Rochelle a perdu à domicile aussi contre Castres et du coup relance les courses à la qualification. Et enfin, le Stade toulousain s'est imposé face au Racing Métro 42-27. Au classement, Montpellier est toujours devant, 76 points. Toulouse revient à hauteur du Racing avec 70 points. Ça va être un joli duel à surveiller. Toulon solide 4e avec 68 points. Lyon 5e avec 66 points. Et Castres avec 64 points, 6e. Et ensuite, 7e et 8e, on a Pau et La Rochelle avec 62 et 61 points. La fin de saison s'annonce assez tendue à ce niveau-là du tableau, mais aussi en bas, puisque Oyonnax dépasse Brive. Pour rappel, le 13e joue le vainqueur, le perdant de la finale de la Pro D2. Donc Brive est 14e avec 32 points, Oyonnax 13e avec 34 points, Paris 12e avec 38 points et Agen est quasiment assuré d'être maintenu en top 14 avec 42 points, donc 8 points d'avance sur Oyonnax. Ça sent bon pour les Agenais. Très bien. Moi, je fais un petit bonjour à notre ami catalan Rémi. Ouais. Du coup, je profite pour dire un peu de Pro D2. Je sais qu'il y a Perpignan qui a fini premier devant Montauban, qui c'est a fini deuxième. Montauban qualifié. Qui rentre en demi-finale. Et après, il y a les quarts de finale. On a Grenoble qui recevra Biarritz et Mont-de-Marsan qui recevra le Biterrois. Voilà, les Héraultais qui ont peut-être l'occasion, pourquoi pas, d'avoir un joli parcours. D'ailleurs, pourquoi pas, rêvons du monté. D'ailleurs, le vainqueur de Mont-de-Marsan, Béziers, affrontera Perpignan en demi-finale. Et à savoir que Perpignan a perdu contre deux équipes cette année, Mont-de-Marsan et Béziers. Donc, justement, une belle anecdote. Donc, ça promet. On passe au dernier sport, savoir le football, et une grosse semaine. On va pas parler de Ligue 1, mais malgré le titre du Paris Saint-Germain, petite surprise anecdotique. On va parler surtout d'une grosse semaine européenne, notamment en Champions League. Les demi-finales, ça sera Liverpool contre l'AS Roma et Bayern contre Real. Ça sera les demi-finales donc de cette édition Champions League. Mais quelle semaine et que de renversements cette semaine. On l'a annoncé. On va peut-être parler d'un seul match. Moins que. Dur. On va la peut-être Roma. Parler d'un seul match et peut-être pas de la Juve. On va parler surtout la Romantada. La surprise. Qu'est-ce qui explique pour vous que le FC Barcelone, qui se fait remonter de 3 buts donc par la Roma cette semaine, ne passe plus les quarts de finale de Ligue? Alors moi, pour avoir regardé j'ai regardé une bonne partie du match Roma Barcelone. T'as basculé après sur ils ont tout simplement fait un non match. C'est le genre de match où le Barça passe complètement au travers et où il repose tout sur Messi. Sauf que Messi, il a été très bien muselé par une défense à 5, hein, typique des clubs italiens. Que ce soit en Serie A ou en Coupe d'Europe, qui jouent souvent bien regroupés en bloc équipe comme ça, ils ont vraiment eu très peu d'occasions, le FC Barcelone. Et la Roma, c'est le genre de match où c'est le collectif qui a primé. On parle souvent des individualités, notamment à Paris, où on pointe un peu du doigt le manque de collectif et de caractère. Là, il y a eu les deux, il y a eu le collectif, le caractère qui ont pris le pas sur le FC Barcelone. Et honnêtement, c'est mérité, hein. Sur le match retour, le 3-0, ils l'ont pas volé du tout. Et ça fait plaisir quand même de voir des petites équipes comme ça. Ça change un petit peu des équipes espagnoles qu'on avait vues. Enfin, je sais pas vous, mais moi, de voir le Barça et le Real, le Barça, même City de sortie, moi, ça me fait plaisir. Ouais. De voir un peu Liverpool-Roma s'intégrer au paysage européen, ça me fait plaisir. Bon, City, ça fait un petit moment qu'ils sont pas. Qui arrivent pas. Ouais, mais je veux dire, sur papier, ils étaient quand même favoris face à Liverpool. Ils se sont fait sortir deux défaites, quoi. Donc, Est-ce que Barcelone, c'est un peu la fin d'un cycle ou pas? Parce que Messi, c'est pas la première fois qu'il répond pas présent dans les grands matchs. Ah, mais le truc, c'est que c'est dur parce qu'il repose toute l'équipe sur lui et Suarez fait une saison quand même moyenne. Il n'y a pas de troisième attaquant, que ce soit Dembélé ou Denis Suarez, ils n'ont pas le calibre. Et on va poser une question. Le Barça, justement, quand je regarde la composition, c'était Sergi Roberto qui était à gauche, je crois. Alors qu'à l'année dernière, c'était Neymar. Et Sergi Roberto, il joue arrière droit. Oui, non, mais c'est la composition. Je peux te le dire, il jouait devant. Il était milieu. Ah oui, parce qu'il a voulu jouer un peu défensif. Donc, ni Dembélé, qui l'a recoupé à 120. Et Coutinho ne pouvait pas jouer. Ni Dembélé, ni Le Feuillou n'ont plus point de la place de Neymar. Je pense que l'absence de Neymar s'est fait ressentir. Tu peux quand même pas justifier ça derrière une victoire 4-1. Ouais, c'est ça. C'est un énorme exploit, si on est connu. On n'en parle pas des masses, mais par rapport à ce qu'a fait le Barça l'année dernière, ce qu'a fait la Roma, c'est extraordinaire quand même. Non, mais juste deux minutes, moi, c'est sur ce match-là, on ne reconnaît pas le Barça. Parce qu'effectivement, comme tu dis, Dimitri, c'est un choix hyper défensif pour un club comme le Barça. Donc tu vois le visage qu'ils ont eu qui était déjà nonchalant en plus, et avec une composition défensive, on va dire ils l'ont un peu cherché cette défaite, quoi. Comme on dit, arriver à cette période de la saison, on va dire que ça commence à être plus la cohésion, le physique, le mental qui prime pour la Ligue des Champions plutôt que l'aspect technique. Mais alors, au moins, ils ont mis tous les ingrédients pour renverser un Barça qui était timoré, défensif, et qui en plus est venu un petit peu en savate. Donc, forcément, ils l'ont mérité, quoi. Parce que Barcelone a une équipe qui est plutôt orientée vers l'attaque, vers l'offensive. Justement, c'est pour ça. Et c'est bizarre de la part de Valverde de vouloir justement jouer défensive, alors que t'as pas. C'est comme le PSG. Ils ont pas vocation à jouer défensive, c'est sûr. Du tout, c'est une équipe qui est tournée vers l'offensive. Donc, est-ce que c'est pas aussi une erreur de la part de Valverde? Ah, si, c'est un des responsables de la défaite, bien sûr. Oui, bien largement. S'il a été anti-Barça sur ce match-là, en fait. Ouais, contre l'ADN catalan, quoi. C'est ça, exactement. On va passer, on aura pu parler des autres matchs, surtout qu'il y a eu un match très intéressant entre le Real et la Juventus. Un beau pénalty aussi. Qui s'est sifflé, terminé par un pénalty. Bon, tu siffles pas, toi? Oh, si, pénalty. Attends, j'ai revu les yeux, le ralenti du soir, il y a pénalty. Je sais pas. Moi, je me pose la question, si ça avait été dans le sens inverse, est-ce qu'il aurait sifflé, tu vois, par exemple? C'est-à-dire? Bah, si c'était la Juve qui aurait pu avoir le 4-0 sur ce pénalty là. Clément Turpin aurait sifflé. Turpin, oui, peut-être. On passe à l'Europa League. Et des demi-finales, cette fois-ci, c'est Arsenal, Atlético Madrid et l'Olympique de Marseille, donc le seul français qui reste, contre Salzbourg. Là encore, une grosse semaine en Europa League avec la belle victoire de l'Olympique de Marseille, 5-2. Grande victoire. Contre les Allemands de Leipzig. Est-ce que l'OM, bon c'est la même question comme d'habitude, est-ce que l'OM peut le aller plus grand club du monde, ou est-ce que l'adversaire a-t-il le meilleur public du monde, ou est-ce que largement les gars, est-ce que l'adversaire de l'autre match restera quoi qu'il arrive peut-être trop fort en finale? Après en finale on sait jamais, sur un match, ouais sur un match on sait jamais, mais oui il sera favori largement c'est sûr. Sur Marseille ils ont eu un petit tirage encore. Ça m'étonnerait pas qu'on voit Payet qui a fait un match, enfin ça faisait longtemps que je l'ai pas vu comme mais attention, ça. Mais attention, même ouais, les supporters de Marseille ça faisait longtemps qu'il l'avait pas vu comme ça. S'il pouvait sortir parce que là bon il y a un but refusé qui est valable, ouais enfin oui et non quoi, mais je pense pas que le joueur reviendra sur Payet. Mais si tu as des Payet, des Thauvin qui sont à leur niveau. À ma vie qui est encore cité solide, moi tu peux les embêter sur un match. Ouais ouais, voilà. Pas, sur deux oui. Je te dirais non d'emblée sur un match possible quoi. Après il faut voir la capacité des joueurs à répondre présent dans les grands matchs. Il y a quelques joueurs comme ça dans après, les grands matchs qui moi j'entends tous les supporters marseillais qui disent ouais on va notamment nos copains marseillais, Alex qui devait être là ce soir, ils disent on va aller la gagner devant Jean-Michel Aulas au Groupama. Oui bon c'est le délire. Calmez-vous, rangez un peu votre ego et tout ça, et déjà éliminer Salzbourg qui a quand même éliminé, bon bien sûr sur le papier son favori l'OM, mais ah bah c'est oui, qui a quand même sorti la Lazio, c'est comme Leipzig, c'est la normalité qui dort contre. Et faut pas oublier que vu le parcours c'est normal qu'il soit là encore, faut pas oublier que Salzbourg, t'as pas eu un gros en face. Salzbourg a affronté Marseille cette année déjà. Oui, en poule, d'ailleurs deux matchs horribles, là j'avais regardé les deux. Non, moi là je vois quand même Marseille en phase finale comme ça. Oui, ils peuvent pas passer à côté. Normalement oui, sinon ça serait un échec quand même. C'est un super match. Ouais. Après, ils ont mis le cœur. Ouais. On retrouve. Caractère, on est obligé de le dire. Ça, c'est vrai, sur ces matchs-là. Est-ce que la personne importante dans l'Olympique de Marseille, c'est peut-être plus Payet que Florian Thauvin, du coup? Non, c'est juste Gustavo, moi, pour le seul. Oui, oui, bon, je l'avais dit, c'est le seul mec que si tu l'enlèves de l'équipe, à mon avis, ça peut dégringoler, quoi. Donc, défend. Ouais. Donc, non, globalement, je pense celui-là, ouais, c'est celui qui tient la colonne vertébrale. D'ailleurs, je crois que c'est Payet qui l'a dit après le match-là où il a joué en défense centrale, il a dit Loïs Gustavo, tu peux le mettre à n'importe quel poste, il est performant, c'est absolument vrai. Même en gardien, peut-être qu'il serait meilleur que Pelé. Il peut pas être pire que Pelé, en tout cas. Ouais, à mon avis, ouais, c'est possible. Peut-être même à la buvette, à mon avis, doit être pas mal en barman, genre. Ah, il a un débit de. Ouais. Bien. Certaines rumeurs voudraient aussi voir un certain Javi Martinez de l'Olympique de Marseille, qui est à peu près le même. Dans le profil, ouais. Le même profil, ouais. Défenseur, milieu défensif. Après, la priorité est peut-être pas là, mais après, un joueur comme ça, oui, tu refuses jamais. Hein, je pense que. Aucun club de Ligue 1, même Paris, je pense que. Puis Metroblou, tu refuses pas aussi. J'y crois pas une seconde, moi. Fin... Non, moi, j'y crois pas, mais je pense que si ça se faisait. Voilà. Ouais, d'accord, je savais même pas que c'était dessus. Ah, ça serait magnifique. Je trouve que Metroblou pèse un peu plus sur la défense aussi. Il est dans les matchs comme ça, il contrôle un peu à la Giroud, je trouve. Ouais, c'est un bon point d'appui, quoi. Un bon point d'appui. Mais surtout dans les matchs comme ça, où il y a un peu plus d'intensité physique par rapport à Germain qui est un peu frêle. Là, Metroblou, il prend un peu plus de volume. Ouais, bah c'est en même temps, voilà, qu'il faut pour l'OM. On sait qu'il stagne là. C'est... Bon, allez, sans tarder, on passe tout de suite à notre deuxième chronique, c'est les sports montpelliérains. Sport and Chill, le sport montpelliérain. Et on va commencer avec le MHSC féminin. C'était la Coupe de France, c'était les quarts de finale. Montpellier s'est facilement imposé 4-0 contre Brest, c'est à l'extérieur. But de Sofia Jacobson, Anouk Dekker, Stina Blackstenius, Clarisse Le Bihan. Il reste quasiment les meilleurs clubs en demi-finale, à savoir les MHSC, Lyon, PSG et aussi Soyo. Prochain match dimanche 22 à l'extérieur contre Bordeaux, c'est pour la D1 féminine. Ouais, décidément, n'espérons pas la même issue quoi. MHSC masculin, c'est plus compliqué. Là, j'ai mis 3-1 pour MHSC, mais pas du tout, c'est 3-1 pour Bordeaux. Ah oui, non, là, hier, on peut pas se tromper. Hier après-midi, j'y étais à la Mosson, il faisait beau, c'était le seul peut-être point positif, effectivement. Et donc, victoire de Bordeaux, assez surprenante, puisque techniquement, le MHSC était tout de même un peu plus favori. Ouais, ça prolonge notre théorie. Bordeaux, ça n'a plus rien à jouer. Surtout que les adversaires doivent faire le jeu. Surtout c'est toujours le même scénario. Ouais, si tu regardes. Mais c'est allé gagner à Nice, je crois. Rennes. Non, t'as fait match nul contre Dijon. Il y a que Sainté qui a gagné. Donc, au final. Si tu gagnes Bordeaux, t'es cinquième. Non, Rennes, ils ont perdu contre Metz. Donc c'est vraiment dommageable pour Montpellier. Ouais, et surtout que toi, t'as dû le voir en plus sur tous les matchs que tu as fait à domicile. Ça fait un petit moment que chaque fois qu'ils ont un match aussi compliqué à voir à la Mosson. Pourtant, Bordeaux, c'est pas le. C'est pas un gros. Il jouait pas Malcolm. Il est rentré après, ouais. En cours de jeu. Ouais, mais bon. Bonne partie. partie, t'es pas là, quoi. Après, je me suis posé la question à la fin, à savoir s'il y a un joueur à sortir du lot, et je n'en trouve pas un seul. Peut-être même peut-être le goal seulement. Ouais, qui en prend quand même trois, quoi. Ouais, qui en prend quand même trois. Mais j'en trouve le aucun. Le reste, c'est naufrage. Aucun. Bah, c'est inquiétant. C'est-à-dire ouais. que c'est vraiment inquiétant, et il y a eu un non-match. Est-ce que c'est pas Hilton qui équilibre aussi un petit peu cette. Bah, ça joue aussi, tu jouais pas Hilton ? Bah, je veux dire, moi, non, il jouait pas Hilton. C'était surtout offensivement, quoi. Ah mais ça on sait que c'est triste. Le problème c'est qu'offensivement Der Zakarian essaye Non les gars vous dites ça la dernière fois, moi je suis pas d'accord. Essaye de mettre d'autres personnes, à savoir Keegan Dolly, ouais, il essaie de faire ouais. tourner Ninga, ouais. Ikone, enfin plein de monde pour essayer d'avoir leur chance. Ouais il essaye. Pourtant il faut imposer un mec. Non, ça, le truc c'est qu'il n'y en a aucun qui s'impose réellement, quoi. Ouais, mais ils sont sur du banc, ils sont dans une philosophie défensive, du coup ça, ils sont pas habitués à attaquer. Pour moi il y en a comme tu dis Flo, il y en a pas un pour moi devant qui sort du lot. Je vois pas même un Giovanicio qui est, je crois, sa première saison à plus de 10 buts. Ouais, c'est quand même laborieux, hein. C'est très moyen techniquement, oui. Parce que Mbenza, Ninga, Ikone, ça se ressemble un petit peu dans le sens où c'est du milieu, ils vont prendre leur place, c'est du tout droit, quoi. Ouais, tableau. Bon, on passe au MHR qui n'a guère fait mieux, mais bon, on sera beaucoup plus indulgent par contre. C'était l'équipe bis. Voilà, donc Verne Cotter a décidé de faire quelques changements et de faire tout l'effectif. Il y a les perspectives en jeu. Parce que les phases finales arrivent, puis ça permettait aussi de faire souffler quelques mecs. Donc moi j'étais au stade, j'ai cru que l'après-midi allait être très très longue. On est vite mené 22-0, 3 essais à 0, dont Ashton a profité pour marquer son 22e essai. Ouais, il pousse encore le record un peu plus loin. Je tenais à avoir une anecdote sur Ashton. Ne me dis pas que j'ai fait le. Parce que c'est moi qui ai fait le quiz et je crois que je l'ai mis dans mon quiz. Super. Auquel cas, t'étais pas obligé de le dire, on l'aurait pas forcément décelé. Dommage. T'as pas été malin là. La semaine dernière, tu as fait un quiz. Gaffe. Oui. Et tu as mis. Tu as fait un que suis-je qui sur suis-je Ashton, oui. Sur Ashton. Je me suis trompé. À savoir que cette question était. Je l'avais déjà posée en fin d'année, en décembre. Ah mince. La même question. Et Dimitri a répondu la même. Alors, il me l'a pas dit, le salaud. Il ne l'avait pas dit, ça, Dimitri. Malin comme un singe. Il ne l'avait pas dit, ça. Bon, ça l'a pas fait gagner, mais je te l'avais pas capté, moi. D'accord, le coquin. Il a profité de son pas en plus. Non, du coup, 22-0, je crois que l'après-midi allait très longue. Et puis au final, Montpellier s'est ressaisi. Montpellier a réagi avec un bel essai de Martin, même si avant la mi-temps, Toulon inscrit un quatrième essai et récupère le bonus. Donc, première mi-temps 100% toulonnaise et deuxième mi-temps 100% montpelliéraine. Les Toulonnais n'ont marqué que 3 petits points et Montpellier, avec un banc expérimenté et solide, mélangé aussi avec de la jeunesse, notamment la rentrée de Guidicelli ou Thomas Darmon. Donc, Guidicelli. Vincent Guidicelli. Comme le président de la FFT. Tout c'est à ça. Fait. Comme Bernard Guidicelli, il n'y a pas de. Peut-être plus compétent, j'espère, en tout cas. Est-ce que plus présent surtout, je pense. La petite déception, c'est pas qu'on rapporte aucun point de Vélodrome. C'est les essais un peu où il y a des erreurs défensives. On n'a récupéré aucun point. Mais en deuxième mi-temps. On domine largement, on score pas assez, mais on est vaillant. On voit qu'il nous manque les buzzer, Stein, William C. qui rentre, il fait du bien. Il nous manque les mecs puissants qui nous font avancer d'habitude. Mais au moins, ça a permis de voir une revue d'effectifs, que les joueurs pouvaient répondre présent. Donc moi, je suis plutôt satisfait. On est sorti satisfait. On n'a pas pris une déculottée. On a montré qu'on avait un bel état d'esprit. C'est pas comme s'ils avaient répété ce genre de performance toutes les 3 semaines, tu vois, qu'il y a eu des trous d'air. Ils ont quand même été très réguliers. Ils ont le droit d'avoir un match où ils font tourner. Exactement. Et c'est bien vu de la part de Cotter en plus, parce que Toulouse a fait un résultat contre le Racing. Du coup, on reste avec 6 points devant et on est assuré on est quasiment assuré de disputer un barrage à domicile. Ah oui, oui. On gagne notre pot, on finit premier, c'est sûr. Ah oui, oui. Donc, franchement, c'est bien vu de la part de Verne Cotter de faire tourner comme ça. Puis les playoffs arrivent. Donc. Et puis, oui, ouais, c'est ça. Donc, c'est pas un si mauvais résultat. Alors, oui. Ça a permis une revue d'effectifs et tant mieux pour Montpellier. Chez les féminines, c'est le MRC. Je sais que tu adores ce sigle. On attend donc les playoffs pour les féminines avec la demi-finale aller contre Blagnac. C'est le 29 avril. Au handball, il y avait 2 matchs donc, cette semaine. Il y avait la Coupe de France, la demi-finale, et malheureusement une défaite dans le derby contre Nîmes. C'était à Nîmes, au Parnasse, 32-30 pour les Nîmois. Donc le MHB n'ira pas à Bercy pour la finale de Coupe de France en s'inclinant à l'extérieur. Donc à cause d'un gros temps faible, malheureusement, au retour de la mi-temps pour Montpellier. A noter un 8/13 pour Melvin Richardson, un 7/9 pour Valentin Porte. Contrairement à Baptiste Bonnefond et Jonas Trajanovicius, peu efficace au shoot. Trajanovicius. Ouais. Dans l'autre demi, c'est le PSG qui s'est facilement défait de Chambéry, mais de plus de points. J'ai pas le résultat exact, mais je crois que c'est plus deux ou plus trois. Ça va un peu moins bien ces derniers temps. Ouais, ça s'essouffle. Bah là, c'est un mois très très important puisque là, ça va être Flensburg. Ouais, voilà. Le focus, ça va être Ligue des Champions. C'est mercredi. Donc, comme quoi, il y a quelques duels à distance entre les Français et Salzbourg. Exact. Qui sont gagnés. Et du coup, en Star League, donc en Lidl Star League, pour faire plaisir à Yacine, c'était la 20e journée et le MHB engrange des points cette fois-ci en allant s'imposer facilement à Tremblay, donc 19 à 29. Ouais, sans Tremblay, sûr. Exactement. Long, facile, mais bon, efficace quoi. À noter 19 arrêts tout de même du gardien, donc Vincent Gérard, en grande forme ce soir-là, donc d'où le nombre un peu limité de buts de Tremblay. Yes. À noter que le PSG s'est imposé de justesse contre Nantes cette semaine de 1 point et qui continue malheureusement pour nous à mettre la pression sur le MHB afin d'espérer un faux pas des Montpellier. Ils arrivent dans le rétro là, attention. Hein. Ouais. Attention à l'angle mort quand même. Final, ouais. Tu vois. Ouais, donc à voir pour la suite, et là c'est pour ça que le mois est très important. Je crois que dimanche aussi c'est la réception de Nîmes pour le la revanche. Ouais, va falloir faut gagner celui-là ouais. Par contre. Ouais, faut punir là. Ouais. En basket féminin, nouvelle défaite du bel Emma qui symbolise un peu la saison très très compliquée quand même des gazelles blessées. Des gazelles, hein. Voilà. Alors, il y a une patte qui est un peu en difficulté. Allez. Là. Défaite la bête est blessée. 58 à 68 sur leur parquet contre Basketland, donc c'est Mont-de-Marsan. Les gazelles terminent 7e. La terre du basket. Les gars, s'il vous plaît, les gazelles terminent 7e de cette phase régulière qui vient de se terminer et affronteront donc en quart de finale de play-off les Flammes Carolo. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est les Flammes Carolo? C'est une équipe de flamenco qui fait du basket aussi. Ouais, je vois pas le lien. Attends, Flamme Carolo, Basketland, il n'y a aucun indice dans les deux quoi. Papa, on va à Basketland ce week-end. Basketland, j'avais compris, pardon. Non, okay. Basketland, c'était Mont-de-Marsan. Ouais, on dirait avant de fête foraine. Flammes Carolo, est-ce que tu m'autorises à mettre un point si vous trouvez la ville? Mézières. Ah, je t'autorise, bien sûr. Charleville-Mézières. Mais non, tu vas poser la barrière. Ça va commencer. Comment tu trouves là? Il semble que quand tu sais, il n'y a aucun lien entre Flamme Carolo et Charleville-Mézières. Alors je veux bien qu'il y ait peut-être des concours de journalisme en approche, à culture générale, mais là. Je sais pas. Futsal. Il est hybride ce garçon. Prochain match le 21 avril, pardon, à l'extérieur contre Paris, actuellement 4ème de D1. Et bon, apparemment le futsal ça devrait plutôt passer. Ils sont le volley, il y a eu aussi une semaine importante pour le volleyball, le Mavuc. Paris et Montpellier disputeront une belle donc en quart de finale de championnat de France après la victoire du Mavuc au match retour 3-7-1. C'était samedi dans son public et cette semaine ils avaient perdu 3-7-2 à Paris. C'est demain ou mercredi je crois qu'ils jouent. J'ai pas d'informations. Ça se jouera à Paris cependant. À noter quand même la limite de ces playoffs parce que Montpellier va perdre 3-2 à Paris et gagne 3-1 à Montpellier. Sur le point comptable, on aurait pu dire sur le point mathématique Montpellier passe. Si c'était en handball par exemple, il serait passé. Mais il y a une belle du coup. Et d'ailleurs pour l'anecdote, ils devaient y aller en train mais avec les grèves, ils ont dû y aller en bus et ils ont pris le bus de Colomiers rugby en premier deux. Merci la CNCF encore. Sympa cette anecdote. Travailler en logistique toi un peu chez HP. Ouais. Moi j'ai mon beauf qui est préparateur physique là-bas donc. Ah, j'ai les bruits de couloir, tu vois. Fago. Et le dernier club, c'est le MWP, le water polo. Victoire 16-9, c'est à l'extérieur à Tourcoing. Montpellier, 5e du classement, pas suffisant malheureusement pour participer au play-off. Aïe. Place prise par Nice. C'était le dernier match d'ailleurs de saison régulière. Sans plus tarder, on va passer à notre première pause musicale avant d'attaquer dans le dur, à savoir le débat et l'interview. On va faire notre première pause musicale, c'est Massive Attack et c'est le Teardrop. Oui, yeah. De retour sur Sport and Chill, c'était le titre Tears Drop et donc l'artiste était Massive Attack. C'était une petite playlist. Je sais pas trop compliquer la chose, tu vois. Non, c'est vrai. Allez, on passe tout de suite à l'interview. Sport and Chill, l'interview. L'interview Chill. Et donc aujourd'hui on parle de handisport et de sport adapté. C'est un sujet qu'on n'aborde pas assez et on a voulu l'aborder ici à Sport and Chill. On reçoit ce soir trois invités, donc Laure Dugachard, dites-moi si j'ai pas ça, merci. Conseillère donc technique et sportive, cadre d'état placé auprès de la Fédération française de sport adapté, qui donc dans le cadre des objectifs des Jeux paralympiques de Paris en 2024 développe un PERF, c'est ça ? Oui. Sur le territoire de la région Occitanie, avec pour appui donc les différents crêpes, notamment le crêpe de Montpellier, qui nous a d'ailleurs régalé niveau invité. Ouais. Exactement, ouais. Comme d'habitude. Donc, Madame Isabelle Guy, directrice de l'IME, Institut Médico-Éducatif, donc du Château d'Eau de Montpellier. Et enfin, Monsieur Stéphane Janot, bonsoir, excusez-moi. Je vous en prie. Monsieur Stéphane Janot, président du comité départemental handisport de l'Hérault, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, petite question introductive, on va peut-être commencer par celle-là. Quelle est la différence entre du handisport et du sport adapté ? Alors moi j'ai fait déjà l'erreur, donc quelle est la différence ? Donc la Fédération française du sport adapté, elle s'occupe des personnes en situation de handicap mental et psychique. Et le handisport en fait s'occupe des personnes en situation de handicap moteur, physique et sensoriel. D'accord. Donc les personnes déficientes visuelles et auditives, parce que les personnes sourdes ont rejoint la Fédération handisport depuis 2008. Avant, ils avaient leur propre fédération. D'accord. Donc, c'est quand même tout de même une différence importante. Au niveau de... Comment agissez-vous donc concrètement et quotidiennement dans le handisport, dans le sport adapté, dans tous les jours ? Si je peux me permettre, pour le comité handisport de l'Hérault, j'ai également la casquette au niveau régional. Notre politique, en tous les cas la mienne, depuis que je suis président, parce que parmi les intervenants, je suis le seul bénévole dans l'action, ça a été d'abord de s'occuper des personnes les plus lourdement handicapées, des plus ceux qui avaient le moins de facilité à aller vers la pratique. Parce que je suis parti du postulat, nous sommes partis du postulat, parce qu'un président représente un groupe, que c'était d'abord vers eux qu'il fallait aller, parce que c'était ceux qui étaient les plus autonomes pouvaient y aller plus facilement. Et c'est en cela qu'on a mis en place ce genre de choses. Et puis après, bah bien sûr, hein, on a vocation à aller de la pratique au quotidien jusqu'au plus haut niveau, aux Jeux paralympiques, puisque depuis que je suis président, c'est la première fois aux Jeux de Rio que nous n'avons pas eu de représentants. Sinon, dans toutes les autres éditions, nous avions des athlètes handisport qui représentaient notre département et notre région à cette occasion. Très bien, merci. Ouais, la particularité des deux fédérations, c'est qu'elles en fait, elles sont multisports l'une et l'autre. Donc on propose tout type de sport. Mais notre particularité, c'est de vraiment avoir une approche spécifique auprès des publics en fonction des types de handicap. Donc par définition, les publics, il faut aller à leur rencontre. Et c'est là que c'est pas forcément évident, donc il faut connaître le fonctionnement des milieux spécialisés, donc les établissements médico-sociaux, les centres de rééducation. Donc c'est vrai qu'il y a toute une démarche comme ça pour aller vers les publics, pour leur mettre à disposition l'information. Parce que souvent, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on n'est pas assez connu, ou on ne sait pas exactement ce qu'on propose, ou il peut y avoir l'impression que c'est que pour le haut niveau, alors qu'en fait, on s'adresse, comme le disait Stéphane, à tout type de public, et surtout aux plus lourdement handicapés. Sinon, les autres fédérations s'occupent aussi de tout le monde. Voilà. J'aurais aimé savoir quels sont les sports que vous proposez. Juste avant, Dimitri, je te coupe. J'attends d'être par ma question, avant de poser la tienne, la dernière intervention, à savoir Madame Isabelle Guy, et notamment son agissement dans le quotidien du handisport et du sport adapté. C'est vrai que le sport a une place très importante au sein de l'établissement en fonction un peu du directeur d'établissement. C'est un peu comme un proviseur de collège. Si, voilà, s'il veut donner une place prioritaire au sport, il va pouvoir le faire. Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis à la direction de cet établissement et c'est vrai que de nombreux partenariats, à la fois avec le CREPS, avec le MHB, avec MCSA, m'ont permis aujourd'hui vraiment de donner un tempo de sport dans l'établissement assez important. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, on a deux enseignants professeurs des écoles et on a 1,5 poste d'enseignants d'activité sportive adaptée. Donc voilà, c'est aussi important le développement moteur dans l'établissement que le développement cognitif, tout simplement parce que quand on est porteur de handicap, le sport est un vecteur vraiment formidable pour pouvoir surpasser ses déficiences et ses incapacités. Voilà. C'est une source d'enrichissement, mais aussi de lutte contre le handicap. Et c'est vrai que moi, je rejoins tout à fait votre position. C'est vraiment si à la direction, il y a l'impulsion, la volonté d'eux, qu'on arrive à faire. Parce que si je peux me permettre de caricaturer, m'en veuillez pas trop, le handisport, on va aller trouver notre public au fond de leur appartement. Parce qu'ils sont en ville, etc. Alors que le sport adapté, sans terme péjoratif, est un public plus captif, puisque en établissement. Mais ça veut dire quand même que il faut que les chefs d'établissement soient volontaires. Et moi, je trouve que la démarche est vraiment noble, et même plus que ça, pour que justement les gens puissent faire du sport. Parce que faire du sport, c'est... ça a des bienfaits sans commune mesure. Donc, je suis d'accord avec vous. Moi, la première chose que j'ai fait dans l'établissement, c'est de créer un city stade. C'est un détail, mais c'est que tout le monde m'a dit, mais pourquoi les enfants, ils ne vont pas s'en servir? Vous êtes sûr que vraiment, il faut créer, investir dans un city stade? En fait, on a abattu les arbres, on a créé un city stade, on s'est fait sponsoriser par le Rotary, puis un peu le Conseil Général pour pouvoir faire quelque chose de bien. Et en fait, très rapidement, les enfants, ils ont pris un ballon et toutes les récréations, ils ont occupé le city stade tout seul, sans même que les éducateurs aient besoin d'initier des sports. Dimitri, tu as une question. J'aurais deux questions à me poser. Quels sont les types de sports que vous proposez dans votre catalogue? Et par rapport à votre... Je trouve magnifique votre initiative de city stade. Justement, que pensez-vous de... Comment on appelle ça de la médiatisation On va en parler après de la médiatisation. Peut-être la première question. Pour répondre à la première question, je crois que les enfants porteurs de handicap, alors handicap physique ou handicap mental, ils peuvent accéder, moi je pense, à vraiment tous les sports. En tout cas, nous, ils accèdent à des sports de ballon, à de l'acrobranche, à du tir à l'arc, à du tennis de table, à de l'escalade, à de la danse, à de la lutte, à du judo, du karaté, du char à voile. Enfin voilà, on essaye vraiment de leur permettre de découvrir tous les sports possibles, parce qu'à chaque fois, à l'équitation, enfin voilà, à chaque fois, c'est source de découverte et d'enrichissement. C'est vrai que les deux fédérations se doivent de proposer tous les sports. Donc après, ça a ses limites aussi. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité de proposer quand même quelque chose de structuré. Donc par exemple, en sport adapté, nous, on recense plus de 83, je crois, disciplines sportives qui sont proposées partout en France. Mais clairement, la fédération exerce sa délégation du ministère des Sports auprès de 20 disciplines, 21 très exactement. Mais ça passe par l'athlétisme, le football, le basket, la pétanque, le tir à l'arc, l'escalade, la lutte, le judo. Voilà. Il y a en sport adapté que 8 sports qui sont reconnus de haut niveau. 8, donc... Ça fait peu. Déjà sur les 83. C'est très limité. Mais ça n'empêche que tout le reste est proposé. Les sports de nature, les sports de raquettes, sports collectifs. Et c'est notre devoir, en fait, que de proposer une palette très, très large d'activités pour donner le choix. Voilà, l'idée pour le handisport, c'est pareil, hein. On propose 39 disciplines différentes, dont 17 paralympiques, une vingtaine sur le département de l'Hérault. Effectivement, on essaye de faire en sorte qu'on puisse proposer un maximum de choses. Je crois que la limite, elle est de deux natures. La première limite, c'est qu'il est hors de question de faire du surhandicap. Donc, un bon encadrement et du matériel adapté. Qu'est-ce que vous appelez par du surhandicap ? Le surhandicap, il est hors de question que, par exemple, quelqu'un qui va venir faire du kayak, alors c'est peut-être pas le bon exemple, parce qu'ils viennent d'avoir la délégation en direct, mais bon, imaginons, parce que je m'entends très bien avec tout le monde, on en parlera tout à l'heure, mais qu'il vienne faire une activité quelconque et qu'il soit mal positionné dans son engin, qu'il ait un escar. Un escar, c'est un point d'appui trop important et qu'il a, va créer une lésion qui, au moment donné, va peut-être pas poser problème, mais qui va être 6 mois à 8 mois à se réparer. Donc c'est ça le problème, c'est de bien encadrer, d'avoir les bonnes informations avec le bon matériel et surtout éviter le « Oh, mais j'ai un copain qui fait ça, donc parce que mon copain qui fait ça, l'autre peut faire pareil. » Pas du tout. C'est nous, en tant que structure fédérale, avec une délégation publique de l'État, on se doit, quand on donne un avis, on a un avis autorisé, on se doit d'être garant que la posture que l'on prend, tout le monde puisse être accueilli en sécurité. Très bien. Ma troisième question introductive, c'est en une phrase, parce que c'est une question très large. Quel est pour vous le défi majeur du handisport et du sport adapté, aujourd'hui? Pour moi, c'est assurer une inclusion réussie. Voilà, parce que tout le monde parle d'inclusion, d'intégration, etc. Mais sauf que ça ne s'improvise pas. Et du coup, les acteurs spécifiques, les acteurs spécialistes des publics en situation de handicap sont là justement pour arriver à une inclusion réussie. Très bien. Alors moi, ce que je veux dire, je l'ai croisé quelques fois, ton prénom, rappelle-moi. Laure. Laure. J'ai croisé quelques fois Laure et j'adore entendre ce que j'entends là. Parce que franchement, c'est vrai que l'inclusion, c'est un modèle. C'est le modèle du moment, mais c'est pas le seul. L'inclusion, ça veut dire on met un élément dans un ensemble. Voilà. Mais ça ne se décrète pas, ça s'organise. Donc l'inclusion réussie, je suis d'accord. Pour moi, l'objectif du handisport de demain, c'est d'abord de réussir cette mutation, puisque vous savez que depuis le 1er janvier 2018, nous avons perdu quelques délégations, parce que nous avons une délégation publique, alors que les fédérations homologues ont une délégation disciplinaire. Nous avons perdu quelques délégations. Moi, ça ne m'inquiète pas, ce sont des délégations comme le tennis, comme la voile, comme l'équitation. On se rend compte que c'est des délégations que l'on perd parce que c'est des délégations où les gens ont les installations et ils ont l'envie. C'est ça l'important. Moi, que ce soit le handisport ou le sport adapté, moi, l'important, c'est que la personne handicapée, elle fasse du sport. C'est ça, l'important. Qui est l'initiateur du projet? On s'en fiche. L'important, c'est qu'elle fasse du sport. Parce qu'on a tellement la facilité, même vous. Oh, aujourd'hui, il fait pas beau, on n'y va pas. Ben alors nous, on reste tout trouvé, quoi. Bon, moi, vous ne me voyez pas, là, c'est la radio, mais je fais mes 120 kilos bien tapés. Mais si vous voulez, il y a encore quelques années de ça, on en parlera tout à l'heure. J'ai quand même fait les Jeux paralympiques, etc. Donc ça veut dire que ça permet aux gens de se dépasser et, de se voir autrement. Et ça, c'est très important. Et je crois que c'est ça qu'il faut voir. Et puis, je crois qu'il faut en parler tout de suite. Quand même, l'idée qu'on ait quand même les Jeux en 2024, ça va être le moyen. C'est une belle opportunité. De montrer ce qu'on va pouvoir faire. Quand on a organisé à Montpellier en 92 la préparation pré-olympique de Barcelone, ça a permis à la ville de mettre en accessibilité nombre d'espaces sportifs, et c'était très important. Très bien. Alors, dernièrement, donc, le but pour vous? Oui, juste un dernier mot. C'est vrai que pour moi, l'enjeu, c'est effectivement un vecteur d'inclusion et vraiment d'épanouissement. On le disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à travers le sport, un enfant différent, il peut rencontrer un enfant ordinaire. Donc là, on avait un projet de cross solidaire, par exemple, avec le collège Camille Claudel, qui a été reporté pour mauvais temps, mais qui va se dérouler vendredi prochain, où un enfant du collège va courir avec un enfant porteur de handicap. Pour moi, c'est des signes forts, parce que c'est vrai que l'inclusion au quotidien, elle ne vit pas si bien que ça, quand même. En France, on a du mal à intégrer des personnes porteuses de handicap dans une scolarité ordinaire. Donc, je crois qu'il faut multiplier ces occasions pour que les enfants puissent se rencontrer et que, finalement, la différence ne soit pas un problème pour faire du sport ensemble, en tout cas. D'accord, on va passer à notre premier thème, à savoir donc le développement et la gestion du handisport et du sport adapté. Et on va parler financement, budget, comment se déroule ce comment se développe plutôt même le budget du handisport ou des sports adaptés en trois parties. Alors moi j'avais pensé premièrement au financement étatique, évidemment, donc l'État, le crowdfunding qui se développe bien, donc le crowdfunding, aidez-moi en traduction français, comment on peut l'appeler, le financement participatif, merci Tim, et finalement donc le sponsoring, est-ce qu'il se développe aussi chez les sportifs, voilà. Oui, alors bon, je me permets de prendre la casquette État, vu que voilà, je suis un agent du ministère des Sports. Attention, je suis un agent secret. Non. Donc, c'est vrai que bon, il y a quand même une prise en compte des publics dits prioritaires dans les priorités de financement de l'État. Les personnes en situation de handicap en font partie en France, donc c'est vrai que c'est pas négligeable, et les fédérations et les clubs sport adaptés handisport peuvent compter sur une part importante de financement public, hein, que ce soit pour les projets, pour le matériel et pour les emplois qui encadrent donc les publics. Donc là, c'est vrai que de toute façon, sans ces aides publiques, on ne peut rien faire, parce que clairement, on s'adresse à des publics, à des personnes qui sont, comme on dit dans le jargon, non solvables. C'est-à-dire que on nous demande de développer la pratique, de faire en sorte que le plus de personnes handicapées pratiquent. Sauf que nous, ce qu'on explique, c'est que plus on développe, moins on a d'argent, en fait. Plus on doit diviser l'argent en projets, en personnes. Donc, parce qu'il y a plus de projets, ouais, forcément. Ouais, plus de, oui. Voilà. Enfin, vraiment, un sport adapté, les personnes auxquelles on s'adresse n'ont aucun revenu ou un très, très faible revenu. Hein. L'allocation adulte handicapé, elle est juste ridicule, en 810 fait. 810 euros. C'est ça, ouais, c'est 800 euros aujourd'hui. Hein. Donc, vous imaginez bien que le sport, après ça, il est considéré comme du luxe, alors qu'en fait, c'est un droit. L'accès au sport, c'est un droit, c'est écrit dans toutes les lois, enfin, dans toutes les lois, notamment dans le premier article du Code du sport. L'accès au sport, c'est un droit fondamental, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on peut compter, et j'espère que ça va continuer. Et on lutte pour ça, mais c'est pas évident de défendre. Enfin, moi, je représente l'État, mais je me retrouve, et c'est le rôle aussi que l'on a en tant que conseiller technique placé auprès des fédérations, c'est rappeler à nos propres collègues qu'en fait, on a besoin de financement public, en fait. Alors moi, je vais un peu minorer, hein. Vous me permettrez quand même, parce que je suis à la fois président du comité départemental handisport de l'Hérault, mais également vice-président du comité olympique et sportif de l'Hérault, qui avons en co-administration le CNDS au niveau local. Et donc, c'est vrai, il faut le dire, avec Jean-François Lamour qui a mis au même niveau les primes paralympiques que les personnes valides, avec les emplois. Emploi sportif qualifié, on a beaucoup été aidé. Je rappelle que par rapport à madame, ces emplois-là étaient au départ fléchés pour qu'on aille intervenir dans les établissements médico-sociaux, pour partie au départ. Et après, ça a un peu dérivé. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les finances d'État, on est encore favorisés puisqu'on fait partie. Les plus prioritaires sont le handicap et sport, les femmes, les zones urbaines, les ZRR, les zones à revitalisation rurale et les QPV. Alors, si vous êtes handicapé en QPV, là vous êtes. Et en plus, une femme, alors là, femme, c'est le jackpot. Et blonde, alors là, vous êtes au top. Donc, voilà, on y arrive. Ça reste compliqué. Je rappelle quand même que pour une grande partie. Le CNDS est financé par la Française des Jeux, et qu'aujourd'hui la Française des Jeux, telle qu'on l'envisage pour demain, ça va être privatisé, etc. Donc on ne sait pas du tout où vont devenir ces financements-là. Au niveau, vous parlez d'autres financements, c'est vrai que si vous regardez bien au niveau du matériel, ne serait-ce que le matériel, vous avez les maisons départementales des personnes handicapées. Alors certes, moi quand je participais aux commissions techniques de la Direction Régionale de Jeunesse et Sport et Cohésion Sociale, on nous disait que les gens aillent vers les MDPH pour financer leur matériel. Or, ça ne marche pas. Non. Parce que les MDPH financent un matériel spécifique. Mmh. Et c'est vrai que le problème matériel est plus crucial pour le handisport que pour le sport adapté, bien que quand on est en polyhandicap, je tiens à dire aussi qu'on est une fédération totalement frère et sœur. Tout à fait. On travaille ensemble. Moi, j'ai organisé des compétitions d'escalade, des événements d'escalade avec le sport adapté et vice-versa. Donc, mais le matériel, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de gros financement. Maintenant, ça arrive un peu, mais entre ce qui existe et les besoins, surtout que le moindre fauteuil de haute compétition, c'est 6 000 euros, c'est du sur-mesure. Donc, une fois que la personne elle est dessus, elle part avec. Pour beaucoup, et donc ça pose un vrai problème. Justement, là, cette question du financement, du matériel, au niveau du sport, la gestion budgétaire, est-ce que le matériel prend une part beaucoup plus importante dans les frais, à dire, totaux des athlètes, ou à peu près semblable à celle des valides, on va dire? Non. Bah non, non, non. Par exemple, les valides, peut-être, ils dépensent plus d'argent peut-être sur les voyages, c'est-à-dire les... Le casque radio pour avant de rentrer dans le match de foot, peut-être. Mais non, non, je rigole. L'idée, non, c'est que vraiment, vous allez sur le stade avec une paire de pompes. Nous, on va sur un stade avec un fauteuil d'athlète qui vaut entre 3 000 et 6 000 euros. Et en plus, quand vous évoluez dans votre technique, vous évoluez dans votre positionnement, donc vous devez racheter encore le matériel, ça coûte extrêmement cher. Nous, pour les autres types de handicap, du coup, c'est vraiment l'accompagnement humain qui prime et qui coûte aussi. Enfin, du coup, c'est de l'emploi, c'est de l'humain. Et il faut que cet humain-là soit formé et qualifié. Et ça coûte également, quoi, l'encadrement qualifié des publics. C'est vrai qu'on n'hésite pas non plus à faire appel à du sponsoring, hein, enfin, ou à du, voilà, crowdfunding, comme vous parliez tout à l'heure. On sollicite par exemple le Rotary, enfin, voilà, ou des organismes qui veulent bien nous aider à financer par exemple un mur d'escalade dans l'établissement ou un city stade. Est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est, justement, c'est une entreprise ou une... C'est un club service. C'est un club service, en fait. Hein, c'est des regroupements souvent de représentants d'entreprises qui acceptent de financer par l'intermédiaire d'œuvres sociales ou du partenariat des projets à destination plutôt humanitaire ou sociale. D'accord. Voilà. C'est une bonne façon d'être défiscalisé aussi. Et c'est une bonne façon pour les entreprises. 66%. Voilà. Hein, c'est mieux que les paradis fiscaux, finalement. D'être défiscalisé et de rendre en plus une action intéressante. Donc, nous, par exemple, dans l'établissement, on organise pratiquement tous les ans des Olympiades. Et c'est vrai que pour permettre aux enfants de repartir avec des coupes, des médailles ou des cadeaux en fonction des podiums qu'ils auront remportés, on sollicite nos partenaires. Voilà, on n'a pas honte d'envoyer un petit courrier à tous nos partenaires de l'année en disant: on va organiser les Olympiades cette année au mois de mai, est-ce que vous pouvez nous fournir des lots de façon à ce qu'on puisse récompenser les enfants? Donc on reçoit des ballons, enfin voilà, des sacs, des paires de chaussures, et je crois que il faut pas hésiter à le faire, parce que ça nous aide aussi à mieux faire vivre le sport dans nos établissements. Alors nous, pour nous, au niveau handisport, le problème, c'est que nous sommes, pour ma part en tous les cas, étiqueté comité départemental handisport. Donc tout naturellement, les gens imaginent que notre fournisseur de fonds, c'est le conseil départemental de l'Hérault. Or non, nous sommes un des échelons du mouvement fédéral, mais on n'est pas aidé. On a de l'aide. Si monsieur Mesquida m'entend dire ça, il va me donner la fessée la prochaine fois qu'il me verra. Mais non, on est aidé. Mais voilà, c'est une subvention. Et c'est vrai que que ce soit le Lyon Club ou le Rotary Club ou le crowdfunding, c'est souvent un projet par rapport à un individu, parce qu'on va toucher le cœur de la personne, on va aller vraiment vers ça, ouvrir un projet vraiment très identifié. Et c'est vrai que les gens restent encore dans l'idée que le handicap, il est pris en charge au niveau matériel à 100%. Or, par exemple, n'importe quel fauteuil de sport, vous savez, au niveau du handicap, vous avez une liste de matériel qui est financée. Ce qu'on appelle le LPPR, liste de matériel financé. Et vous avez, dans la MDPH, vous avez un seul matériel financé, qui est notamment le fauteuil FFH, qui coûte dans les 1500 euros. Et c'est tout. Après, le reste, c'est à la bonne volonté des organismes de faire. Donc c'est vrai que nous, notre problème, c'est qu'on court un peu après ça. Et puis il y a un autre problème aussi sur lequel après on court, c'est le problème du transport. Du stockage. Transporter des gens handicapés, tous les clubs essayent d'avoir des véhicules, etc. Et c'est un vrai problème. Et c'est un vrai, même pour les établissements d'ailleurs. Ça coûte cher, les véhicules adaptés coûtent plus cher. Nous, en sport adapté, c'est vrai qu'on a plus de mal à s'autoriser, en fait, à passer par le crowdfunding ou autre, ou le sponsoring, parce qu'en fait, on a passé un espèce de cap à plus vouloir faire appel à la charité. En fait, on veut pas que les gens soutiennent les projets sous le versant charitable, en fait. Et c'est vrai que la limite, elle est là, et on n'est pas très bon, en fait, nous, pour... Enfin, on n'est pas très vendeur. C'est vrai que le handicap mental et psychique, c'est encore autre chose, parce que c'est un handicap pas forcément visible, ou pas forcément... Enfin, c'est un peu mystique, parfois, pour la population ordinaire. Et du coup, on a du mal, en fait, à vendre, entre guillemets, ce que l'on fait. C'est vrai que moi, en ce moment, je suis la personne la plus draguée du mouvement sportif, entre guillemets, parce qu'on est en période de CNDS, et que... Vu qu'il y a des publics, il y a des politiques cibles du gouvernement, eh bien, les gens viennent me voir. Non, est-ce qu'on pourrait faire un projet avec toi? Parce qu'au moins, on pourrait c'est bien, hein, faire des choses ensemble, mais gratter quelques sous également pour une structure. Donc, on le voit, il y a ce phénomène-là qui joue aussi. Et puis, il y a un autre phénomène aussi, et ça va peut-être pas faire plaisir aux gens qui nous écoutent, mais d'autant que c'est vrai que les familles du sport adapté n'hésitent pas à financer, à aider, etc. Dans le monde du handicap physique, y a pendant très longtemps, on a toujours cru que tout était dû, hein, et que c'était gratuit. Or, dans la vie, il n'y a rien de gratuit. Ouais. Et donc, pour expliquer aux gens que on essaye de faire des choses à des coûts qui permettent aux gens qui touchent la hache et autres de pouvoir faire, mais il faut quand même payer. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a deux populations. Il y a ceux qui relèvent de la solidarité nationale, avec l'âge, etc. Et vous avez tous les autres qui relèvent soit d'un accident, etc. Où là, il y a une assurance qui est là, et qui là, souvent, ces gens-là, peuvent faire du sport, même du sport à très haut niveau, parce que justement, leurs moyens leur permettent ça. Et ça, un jour, il serait peut-être intéressant, et ça fait des années que je le demande à ma fédération, peut-être qu'un jour je serai entendu, qu'on fasse une étude sociologique sur quelles sont les origines des moyens financiers quand les athlètes de haut niveau participent aux plus grandes compétitions. Parce que vous savez que pour gagner des grandes compétitions, il faut faire ce qu'on appelle du ranking list. Gagner un nombre de compétitions à l'international. Mais pour y aller, quand c'est une saison à 25 000 euros, moi, président du comité de l'Héro, pour le haut niveau, j'ai 3 000 euros. Donc comment je peux aider tous ces gens-là? Donc c'est un vrai souci. Une autre question sur... plus les Jeux Olympiques cette fois-ci, est-ce que le développement du handisport et du sport adapté ne passe-t-il pas par l'essor des sports, enfin des Jeux paralympiques, tout simplement? Parce que c'est quand même une médiatisation très importante dans le paysage français. Alors en sport adapté, pour le coup, la médiatisation aux Jeux paralympiques, elle est quasi nulle. Ouais. Il y a un effort quand même qui a été fait à l'occasion des derniers Jeux paralympiques à Rio, avec quand même une diffusion télé, enfin des plages de diffusion qui étaient relativement acceptables. Le sport adapté, nos sportifs ont été exclus des Jeux paralympiques après les Jeux à l'occasion des Jeux de Sydney. Et ils n'ont été réintégrés que depuis 2012, en fait, depuis les Jeux paralympiques de Londres en 2012. Donc en fait, on est au redémarrage. C'est une très bonne chose. Ouais, et on est juste au redémarrage de l'inclusion de nos sportifs. Ça reprend du temps, forcément. Ouais. Et jusqu'à présent, les sportifs en situation de handicap mental ne représentent qu'une seule classe de sportifs parmi toutes les autres classes des sportifs paralympiques. Plus le handisport. En fait, handisport est décliné en plusieurs classes en fonction des types de handicap. Et le handicap mental, donc c'est uniquement la déficience intellectuelle qui est reconnue et qui permet à certains de nos sportifs d'être listés. Et du coup, nous, on a d'autres types de publics. Moi, si je peux me permettre, puisque je suis un peu un dinosaure autour de cette table par rapport à cette thématique des Jeux paralympiques, j'ai fait les miens en 1984. Il y avait donc Dominique Le Gleut qui était de France 2 et qui se disait est-ce qu'il faut le diffuser celui-là ou pas, est-ce que ça va bien passer à la télé? Et quand vous regardez c'était quoi votre discipline? Athlétisme. D'accord. Et quand vous regardez, c'est pour ça que je me suis fait opérer de l'épaule et que maintenant je me retrouve en fauteuil roulant électrique. Le sport c'est bien, mais à haut niveau c'est pas forcément génial. L'idée c'est quand vous regardez les sujets des journalistes, au début c'était très social. On faisait du reportage social. Et puis, aujourd'hui, plus ça va, plus on en arrive à un vrai reportage performance sportive. Et je crois que c'est ça qui fait la grande différence et qui est vraiment un plus. Et je crois que c'est vrai que c'est vraiment... moi, quand j'ai représenté la région Languedoc-Roussillon pour les Jeux de Londres, puisque j'étais responsable de la délégation qui partait, c'est vrai qu'on a vu la différence. Et moi, je crois que c'est vraiment une bonne chose. Il faut dire aussi que EDF, qui est un de nos principaux financeurs au niveau de la Fédération française de sport, à un moment donné, ils ont dit « Eh, ras-le-bol de voir que nous, on finance ces gens-là et qu'on ne les voit pas. » Donc, ils ont dit aux télé « Ok, mais nous, on veut au moins 5 minutes de télé tous les jours. » Bon, et là, quand on voit à la fois comment les gens peuvent vendre leur sport, parce que maintenant, c'est des athlètes de haut niveau qui viennent commenter, Sami El Ghadari, qui est cadre d'État, aussi comme Laure, qui vient commenter à la télévision, ils ont une capacité à le faire, et c'est une très bonne chose. Et on voit que les gens disent, mais pourquoi il n'y en a pas plus? Pourquoi il n'y en a pas plus? J'ai une petite stat donc selon France Inter en 2017 dans le sport en général 0,8% du sport diffusé concerne le handisport dont la majorité évidemment se situe dans les sports dans les Jeux paralympiques. Est-ce que vous pensez que le développement encore de beaux jours devant lui, le développement médiatique dans le handisport ou pensez qu'il arrivait à sa limite? Moi, je pense que c'est comme dans tous les sports. Est-ce que vous entendez parler beaucoup du tambourin à la télé? Est-ce que vous entendez... Il y a un peu de ça aussi. Oui. Après, il y a le développement, par exemple, du sport féminin. Voilà. On voit ça. Donc, je pense qu'effectivement... Non, on n'est pas arrivé au maximum. On est arrivé à un certain niveau. Il faut le voir différemment. On a même eu droit à notre sportif handicapé qui fait des bêtises comme les autres, à savoir Oscar Pistorius. Donc ça veut dire qu'on est des personnes comme les autres, qui faisons des conneries comme les autres. Et c'est très bien, enfin pas pour lui, hein. Mais bon, voilà, on est des sportifs comme les autres. Donc, c'est une grosse connerie, lui. Ouais. Non, mais c'est énorme, c'est même pas une connerie, c'est horrible. Mais voilà, je veux dire, on est comme les autres, exactement comme les autres. On est des athlètes à part entière et pas entièrement à part. Justement, je réagis malheureusement sur Oscar Pistorius. Est-ce qu'il y a beaucoup de sportifs qui passent du handisport au sport valide? Si je peux appeler comme ça, au sport valide. Alors, déjà, on va dire handisport, on va dire... Au sport adapté. Sport et handicap. Sport et handicap. Sport, voilà. Sport et handicap, merci. Ouais. On n'a pas de stats, on va dire, là, ouais. Comme ça. C'est vrai que c'est pas ce qu'on... Enfin, pour nous, c'est pas un indicateur, en fait. Voilà. Nous, l'indicateur, c'est quel est le nombre de personnes qui pratiquent une activité physique et sportive régulière, pas juste exceptionnel. Ah oui, c'est bien, j'ai fait un cross dans l'année. Voilà, on essaie quand même de faire en sorte qu'il y ait une pratique inscrite tout au long de l'année. Et c'est vrai que le fait d'adhérer à un mouvement sportif officiel que permettent les fédérations, c'est un indicateur. Mais, est-ce que c'est le but des athlètes de passer chez les valides ou c'est un but différent, savoir d'avoir plutôt une performance une grande performance dans le sport et handicap. Le but principal, effectivement, c'est de rechercher la performance. C'est-à-dire qu'au-delà du handicap, quand on fait du sport, on a envie de gagner, on a envie de se mesurer aux autres, de se surpasser, de bien faire et d'aller chercher un titre ou un podium et d'arriver premier à une course. D'ailleurs, à ce propos, parce que vous faites référence à ça, par rapport notamment aux amputés qui avaient des lames, et etc., qui permettait d'aller quasiment plus vite que les personnes valides, entre guillemets. Enfin, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, il y a des normes techniques qui font qu'on ne peut pas mettre une hauteur de lame supérieure à ce qui serait la hauteur normale d'un individu au cas où il n'aurait pas eu ce handicap. C'est ça. Donc là, on fait attention à ce que ce ne soit pas dans cet élément-là. C'est vrai que non, je crois que l'idée, c'est que chacun y trouve... On ne doit pas... Il n'y a pas un bon sport et un mauvais sport. Il n'y a pas le bon sport parce qu'il est pratiqué en inclusion et les autres qui seraient pratiqués entre soi et le sport valide ou le handisport ou le sport adapté. Il y a des gens qui font du sport, il y a des gens qui font des performances. Et c'est ça qu'il faut regarder. Parce qu'il faut toujours voir d'où on part et où on veut aller. Et c'est ça qui est important. Moi, quand je vois qu'à une époque, c'était un type, il y avait trois personnes dans une course Bon, bah, l'idée pour les Américains, c'était qu'ils finissent. Donc, il est tombé, bah, il a fini. Et c'était ça, l'important, c'est qu'ils finissent. Donc, moi, je crois que c'est ça qu'il faut voir. C'est qu'on a, on a vraiment cette idée-là en tête, qu'on doit tous pouvoir aller au plus haut niveau. Et c'est ça qu'il faut. Les gens, il faut qu'ils aient ce rêve-là. Il faut leur donner du rêve, il faut leur donner la possibilité d'eux. Et c'est notre rôle. Inversement également, est-ce qu'il y a des sportifs qui étaient valides et qui, par exemple, qui, par rapport à un accident, est-ce qu'ils poursuivent la plupart du temps dans le sport et handicap, ou ils arrêtent tout au tout? Nous, c'est vrai que, ben, par définition, le sport de haut niveau peut faire vriller les gens. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de cas, en fait, de sportifs qui étaient au plus haut niveau en milieu ordinaire, qui nous ont rejoints au sport adapté. Voilà. Et je trouve, moi, c'est ça qui me passionne, en fait, d'essayer aussi de permettre à une personne de se réintégrer, ouais. De se restructurer, de redonner du sens un petit peu à sa vie ou autre, à travers son point de repère qui était le sport, en fait. Voilà. Oui, moi je crois aussi qu'il y a l'un des éléments qui est fondamental, c'est de voir quand les gens décident de reprendre le même sport qu'ils ont pratiqué quand ils étaient valides. Mmh. Et là, c'est déjà un énorme challenge, parce que ça veut dire qu'on accepte de se déstructurer, etc. Moi, un jour, j'étais dans un centre de rééducation qui est pas loin d'ici, hein, le centre Propara, et je vois un jeune homme, je lui dis « Oh, qu'est-ce que tu joues bien au ping-pong ?» Et il me répond « Qu'est-ce que j'étais mieux comme footballeur ?» Et là, c'est parfois des révélations, hein, pour certains. Je me suis retrouvé comme un imbécile, mais bon, la réponse était juste, quoi. Est-ce qu'il y a on parlait du financement tout à l'heure, du propre financement. Est-ce qu'il y a des sportifs qui arrêtent le sport pour se consacrer uniquement à leur travail parce qu'ils ne peuvent plus subvenir à leurs propres peut-être besoins sportifs, en tout cas? Ouais, nous, on se retrouve confrontés à des sportifs qui sont parfois en survie, en fait. Donc c'est pour ça que au sein de la fédération, bon, le suivi socio-professionnel des sportifs de haut niveau, il est obligatoire, hein, en France, c'est une très bonne chose. C'est vrai qu'au niveau du sport adapté, il est renforcé, c'est un suivi éducatif et socio-professionnel. Donc tant qu'on n'est pas sûr que la personne est à jour, à un lit, à de quoi manger. Enfin, ça paraît peut-être fou, mais en fait, on est dans des cas souvent très difficiles, hein, une misère affective, une misère sociale, souvent, et on se doit, nous, d'aider les sportifs à être d'abord, on va dire, au chaud, dans tous les sens du terme, avant de penser à la performance, en fait. Donc, voilà, enfin, nous, c'est oui, un peu particulier, peut-être. C'est ça, mais et puis c'est vrai que le problème, c'est que bah, quand les gens, malgré tous les dispositifs de suivi mis en place par le ministère en termes de suivi des athlètes de haut niveau, après, quand ils ont fini leur carrière sportive, eh bah, il faut qu'ils puissent trouver une reconversion. Et la reconversion, oui. elle est moins évidente, même si on sait, on va peut-être en parler tout à l'heure, que l'employabilité, là je parle pour le mouvement que je représente, est plus facile pour des gens qui pratiquent le sport, oui, que pour des gens qui ne le font pas. Et ça, c'est une chose à dire. Parce que c'est vrai que l'ouverture d'esprit, même oui, l'ouverture de la personnalité, oui, fait qu'on va aller vers l'autre beaucoup plus facilement. Et là, c'est la même chose. Donc, on retrouve cette jonction entre nos deux fédérations et même votre établissement, qui prouve que quand on fait du sport, bah, on a une personnalité peut-être un peu différente, même à plus petit niveau, qui permet l'ouverture à l'autre. Et c'est très important. Il y a aussi, donc, on parlait du travail. Est-ce que le sport joue un rôle prédominant dans l'insertion professionnelle? Alors, il y a les ESAT, donc les établissements et services d'aide par le travail, qui doivent jouer un rôle là-dedans aussi. Alors, les ESAT, pour le coup, eux-mêmes, c'est des lieux de travail. Et c'est des entreprises adaptées en fait, hein, qui voilà. accompagnent les personnes handicapées sur une activité professionnelle, mais il n'y a pas beaucoup de place au sport. Non, justement, dans, ouais, dans là, non. c'est là qu'on a du mal aussi à, ouais. À faire entendre et faire appliquer les lois et les textes pour que, mm-hmm. pour que les activités physiques et sportives puissent faire partie des activités dites de soutien. Ouais. Ouais, et qui dit soutien à la vie, à l'épanouissement de la personne. Mm-hmm. Et normalement, le sport doit ou c'est une obligation ouais. voilà, faire partie effectivement et du quotidien de la personne. Les travailleurs des AT travaillent parfois plus qu'une personne que les personnes ordinaires hein. mm-hmm. au niveau alors, du droit du travail c'est pas ouais. des contrats de travail ouais. en fait c'est des aides au poste mm. ouais, donc... non moi ce que je veux dire bon par rapport à ça les AT bon d'un côté c'est vrai que c'est une formule un peu qui a été, c'est Stéphane Jadot qui le dit là pour le coup, non pas le président du comité handisport de l'Hérault, qui a été un peu dévoyé dans sa finalité première, à savoir qu'on doit à 30% des capacités de travail identiques proposer le poste à quelqu'un en ESAT. Or aujourd'hui on voit que dans ces lieux-là, bah, les gens, on voit souvent quasiment des gens en handicap social qui font le travail. Mm. Mais par contre nous en milieu ordinaire de travail, hein, là où le mouvement handisport est plus particulièrement présent. C'est vrai que bon bah, le sport, vous savez que vous avez une obligation de 6% de personnes en situation de handicap pour les entreprises de plus de 20 salariés. Il se trouve que on a essayé de proposer qu'une nouvelle loi soit mise en place pour que ça concerne même les entreprises de plus petite taille, parce que c'est vrai qu'on sait que la majorité du tissu économique, c'est des entreprises de plus petite taille. Et c'est justement là où la proximité entre un patron et une personne handicapée va jouer en plein parce qu'ils se connaissent bien et ils vont pouvoir être embauchés. Mais c'est vrai que le travail, le sport aide à l'insertion professionnelle. Ça, c'est une évidence. Deux dernières petites questions, j'avais mis entre guillemets médicales. Quelles sont les limites à établir auprès d'un ou d'une sportive? Est-ce qu'on se heurte souvent des sportifs qui veulent aller plus loin qui peuvent le permettre? Ouais, nous clairement on a affaire à des sportifs qui ont pour particularité d'être dans l'addiction et on se doit d'être très attentif en fait justement à ces problématiques-là et les suivre, à les accompagner, à être à l'écoute et pas juste voir ah ben c'est bien là il est en ce moment il est à fond, il vient toutes les semaines, enfin il vient tous les jours, sauf que ben s'il faut la semaine d'après on le voit plus et puis on le voit plus du tout de la vie si on le suit pas et si on n'est pas attentif donc c'est vrai que les problèmes d'addiction sont importante dans le sport. Pour nous, dans le handisport, il y a ce qu'on appelle le mythe du survivant. Le mythe du survivant, c'est ni plus ni moins quelqu'un qui a eu un accident qui se dit bah, moi, après avoir vécu un truc pareil, de toute façon, il ne peut plus rien m'arriver de pire. Banzai. Banzai, et j'y vais à fond, et je continue. Ah, et là, le problème, c'est qu'il faut pouvoir l'arrêter. Il y a un autre élément aussi que moi, je dis aux personnes qui font du sport, je leur dis, pensez que vous avez... Avant le sport, vous êtes handicapé, diminué avant le sport, vous avez votre sport et vous avez après le sport. Et que, bah, il faut que les gens gardent suffisamment d'énergie pour ne pas se griller complètement. Et ça, c'est une vraie problématique parce que vous savez, encore tout récemment, à mon échelle, non, ça fait une quinzaine d'années, on avait mis en place un stage athlète de haut niveau. Sur l'athlétisme, mais c'était un médecin, Stéphane Bouche, qui était là avec moi, et on avait fait faire un mouvement aux gens pour leur montrer que leurs épaules étaient décentrées. Et vous savez qu'en fauteuil, le problème d'épaule est un problème essentiel, c'est pas parce que je l'ai vécu tout récemment, j'ai été opéré, mais c'est un problème essentiel, et justement, le problème là, c'est, est-ce qu'on a un recul de ce que deviennent médicalement tous ces sportifs de haut niveau, après pas toute trop, cette ouais. pratique sportive, parce ouais. que on n'a pas toujours le recul. Et puis en plus, il y a un autre phénomène, c'est que jusqu'à maintenant, on est au niveau du dopage, on est comme les autres fédérations, c'est-à-dire que bah, il faut que chacun se fasse attention à son dopage, il soit prudent, etc. Il y a des règles qui jouent. Mais bon, bah, il y a encore des petits passe-droits. Il faut savoir qu'un des athlètes les plus dopés de mémoire, c'était un athlète qui était dans le monde handisport. Je dirais pas la discipline, mais voilà. Donc il faut faire attention à ça aussi, quoi. On est comme les autres, on est des sportifs comme les autres. Voilà, et puis il faut y aller, il faut faire attention à soi, et puis surtout, il faut se faire plaisir. Justement, vous êtes des sportifs comme des autres, et comme les autres, il y a les blessures. Est-ce que c'est d'autant plus important à surveiller chez un athlète Je crois qu'il faut être effectivement attentif. Moi, par exemple, dans l'établissement, on a des enfants épileptiques qui adorent faire du sport. Et on sait que très souvent, en fait, le sport un peu trop intensif ou trop à outrance va être un facteur de déclenchement des crises. Donc après, c'est toute l'habituation gérée de la personne à bien se connaître et à être capable de pouvoir faire une activité tout en évitant de se mettre mal ou en difficulté. Ouais, gérer l'effort et puis il y a le seuil de douleur aussi des fois qui n'est pas toujours ressenti. Ouais. Donc on peut parfois avoir des personnes qui sont blessées, voire insensibles gravement, insensibles à la douleur et on ne détecte pas le problème en fait. Voilà, et puis c'est vrai que pour nous, en tous les cas, enfin, pour le mouvement de sport notamment, il y a un phénomène qu'on appelait le boosting. Le boosting, c'est ni plus ni moins le fait que quand vous avez envie d'uriner, qu'est-ce qui se passe pour n'importe qui d'entre vous? Vous avez votre rythme cardiaque qui va augmenter. Ça veut dire que les globules blancs vont prendre de l'oxygène, etc. Eux, comme ils ne sentent pas cette envie d'aller aux toilettes, qu'est-ce qui se passe? Le rythme cardiaque augmente. La vessie gonfle, mais le risque, c'est quoi? C'est que à ce moment-là, ils sont suroxygénés, donc à ce moment-là, ils vont pouvoir être très performants. Mais le risque, c'est que les urines vont remonter dans les reins, et il y a ce qu'on appelle le risque de noyade, et c'est ce qu'on appelle le boosting. Et là, comment est-ce qu'on vérifie ça? On regarde tout simplement les mecs au début de la ligne de départ, et quand on les voit qui transpirent comme des malades, parce que c'est un moyen de repérer qu'on a envie d'aller aux toilettes, excusez-moi ces techniques, mais on leur dit « Hey, oh, toi, là !» T'y vas. Et il y a des choses comme ça, donc il faut être vigilant. Je crois que il faut être vigilant à tout, et puis il faut bien se connaître. Il faut bien se connaître, et puis se dire que attention, on a déjà un handicap, on a déjà une pathologie de départ. Si en plus derrière il faut s'en payer pour 20 ans de surhandicap, c'est juste pas possible, quoi. Mm-hmm. Je vous remercie. On a bien débordé, mais c'était bien au contraire. Je vous remercie d'ailleurs d'être venu. Donc vous trois pour parler du sport et handicap. Oui. Exactement. Voilà. Non, c'est bien parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de handisport, mais il faut dire sport et handicap. Et puis le sport adapté. Il faut. C'est vrai qu'on est tous là. Sport et handicap, moi, ça me va bien, moi. Ouais. Voilà. Sport pour tous, c'est bien. Sport pour tous aussi, voilà. Et par tous. Je vous remercie en tout cas une nouvelle fois. Et puis, on espère en reparler d'ici peu dans un court et à long terme. Merci. Merci. On va passer à notre deuxième pause musicale. C'est Moderate et le titre A New Era. Un peu plus chiné celle-là, hein, mon faux là. Un peu plus, c'est vrai. A fait réfléchir. Tout aussi agréable. C'était Moderate, et le titre A New Hero. New Hero. Allez, on passe tout de suite au jingle. Il a pas dit Hero. Hein. Débat. Pas la série. Sport and Chill, le débat de la semaine. Ouais, c'était pas Hero, c'était Error. Tout simplement, quoi, voilà. Bien sûr. Mais à coup pas. Du coup, nouvelle erreur, quoi. Voilà, une nouvelle erreur, tout simplement. Et bilingue, celui-là. Je suis bilingue un peu, ouais. Tu chilles l'anglais, ouais. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, on a eu une semaine ou un week-end même avec des sacres européens en football. On va faire le point sur les quatre grands championnats. Un point un peu plus court, du coup, vu qu'on est un petit peu en retard. Et on va commencer par la Liga. Encore 3 victoires, donc, et le Barça finira champion cette année en Liga devant l'Atlético, et a priori la bataille de la 3ème place entre le Real Madrid et Valencia. Record pour le Barça de, je crois, 40 journées en étant consécutives en étant invaincu. Ouais. Alors on va revenir, parce qu'on parle souvent du Barça et du Real, on va revenir peut-être sur l'Atlético cette fois-ci. Ouais. Un début de saison en Dante, puis un retour de l'efficacité des attaquants avec Griezmann et aussi l'arrivée de Diego Costa. Est-ce que dans les années qui arrivent, voire même déjà l'année prochaine, l'Atlético pourra suivre la progression des deux gros, ou est-ce que c'est déjà la fin de cycle pour Diego Simeone? Et je pense, alors pour avoir vu l'Atlético quelques fois, même s'ils font une belle deuxième place, je pense que ce système de jeu ne peut plus fonctionner. Il avait déjà atteint quelques limites l'année dernière. Ouais, déjà quelques limites, on le sentait. Là, j'avoue que je pensais pas qu'ils allaient rester au deuxième aussi longtemps. Après, le Real a fait une saison quand même pas terrible en championnat. Mais je pense que oui, pour avoir vu le jeu, ça reste limité. Et s'ils veulent encore une fois s'incruster entre les deux ou même devant les deux, je pense qu'il faut changer de système. Oh, ouais, parce que et là, puis surtout que je pense qu'ils vont arriver à une année charnière où je pense que Griezmann va partir. Griezmann, ce qui est quand même leur meilleur joueur depuis 3 ans. Je pense qu'il En stats, il a plus de 20 buts à chaque saison, donc il va partir, il va être remplacé. Bon, Diego Costa va partir, il y a Torres aussi qui va partir. Ils sont prêts à sortir le chéquier, l'Atlético, pour le garder. Ouais, mais je pense que soit il part maintenant, soit il part pas, ouais, enfin, jamais partir, quoi. C'est l'année où... Doublé salaire, je crois, même pour Griezmann, mais lui, je pense qu'il faut qu'il parte de toute façon. Après, la question où il va aller, ça, je sais pas, mais je pense qu'il va partir. Faut pas oublier que l'Atlético... Micro, s'il te plaît. L'Atlético, son nouveau stade, c'est cette année, je crois. Oui. C'est donc l'adaptation, donc je trouve que c'est pas mal. Un poisson dans mes mandats. Donc. C'est sorti nulle part. Cadeau, celle-là. Non, il faut une bonne saison, mais après, je pense que oui, si durablement elles veulent jouer le titre, prochainement, je pense qu'il faut une nouvelle dynamique à ce club. Ouais. Très bien, pas de réaction de plus sur Oui, j'ai quand même une réaction. Une petite mention spéciale au FC Valence, quand même. Oui, Renaissance, au devant de la scène, qui propose du jeu en plus. Qui a fait match nul contre le Barça là. Mais un Guedes qui est plus surprenant, Romain Char. Non mais le Barça, ils savent qu'ils sont champions là. Oui, qu'on soit d'accord. C'est, Valence, c'est comme ceux qui me sortent Leipzig, le Bayern. Coquelin joue à Valence, c'est vrai. On passe à notre Kondogbia. Non. On passe à notre deuxième championnat, c'est la Bundesliga. Un peu moins de suspense. Tu m'as regardé aussi. Bayern déjà champion, donc cette semaine, je crois. Ils avaient 20 points d'avance. Schalke 0-4. Ouais, ils sont déjà champions cette semaine. Schalke Nürnfier 2e et a pris une bonne option en s'imposant dans le derby de la Ruhr. 2-0. 2-0 contre Dortmund ce week-end. Dans les prochaines années. Dans les prochaines années, je parle notamment dans les 5 prochaines années, un peu plus long terme, va-t-on se retrouver avec les mêmes configurations, un Bayern ultra conquérant sans aucune concurrence? Le problème, c'est que le Bayern est sur le même modèle depuis presque 10 ans, mais 7-8 ans, c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans l'idée de chasser la concurrence et de piller les meilleurs joueurs du championnat allemand. Par exemple, je peux d'ores et déjà vous dire que Timo Werner, il va aller au Bayern Munich d'ici 1 ou 2 ans maximum. Si Lewandowski part. Ton jumeau, c'est ça. C'est une institution en fait aussi, le Bayern. C'est-à-dire que chaque joueur veut jouer pour le Bayern. Parce que c'est le club phare en Allemagne qui aspire tous les ans à gagner quelque chose. Parce que Dortmund, ça a été quand même ça va peut-être faire mal pour les vrais supporters de Dortmund, mais ça a été quasiment un épiphénomène quand ils étaient en finale de Ligue des Champions. Oui. Tu vois, ils ont. Ça a toujours été un gros outsider. Ça s'est jamais installé dans la durée. Si tu regardes leur historique, c'est pas non plus incroyable. Oui, on est en Coupe d'Europe non plus. Moi, je suis pas si pessimiste que vous. Je pense que le cycle du Bayern peut prendre fin plutôt que vous ne le pensez. Parce mais qui que tu déjà, mets qui tu ça veut dire quoi Fan Six ça veut dire parce que je pense que déjà Dortmund c'est vrai ils ont perdu leur directeur leur projet il est mort pour moi Dortmund là ils ont perdu il leur, faut leur, toi leur, je suis assez inquiet aussi pour Dortmund leur coacheur déjà je crois que le Bayern c'est Enkes qui est quand même un grand coach ouais. Ne restera mais pas qui va partir qui va partir est-ce que Kovac a ce qu'il faut Lewandowski il n'est pas encore parti, hein. Il est pas encore parti. Trouvons quelqu'un derrière le Bayern. Ouais. Même Sandro Wagner, ça tient la route. Qui a tellement de stabilité, tellement de mecs compétents dans son club, qui a une garantie. Tu dis, si Lewandowski part, c'est Timo Werner qui arrive. Parce que Dortmund, j'ai regardé un petit peu le match. Si on se rappelle du Dortmund il y a 2-3 ans, pour pas remonter trop loin non plus. C'est plus même Marco Reus. Le néant en termes de jeu, il n'y a aucune patte. C'est des joueurs qui ont déjà le melon, mais qui ne proposent pas grand chose. Alors qu'il y a des années. Oui, c'est pour ça, c'est ça le pire. Leur meilleur joueur, c'est Pulisic qui a 20 ans. Ouais, l'américain, mais Barry, faute paille. Pour moi, dans un match comme ça, décisif pour la deuxième place. Ah oui. Inexistant. Mais alors qu'il y a quelques solide. Années, Schalke était quand même derrière Dortmund. Ah oui, oui. Et j'aurais pas dit l'inverse. Là, c'est un gros renouveau. Là, là c'est un gros renouveau. Non, mais tu vois que le projet ne tient plus. C'est beaucoup de jeunes à fort potentiel, Dortmund. Mais qui vont pas rester longtemps. Julian Weigl, il va partir, je pense. On dit des jeunes à fort potentiel, mais il faut qu'ils prouvent, les mecs. Ouais, lui il peut être pas mal, lui. Mais j'attends, on attend de voir. Marco Reus, quoi, le mec n'a jamais confirmé. Pareil, blessé. Le mec il a déjà 26 ou 27 ans. Et pareil, match hier, inexistant, quoi. Alors que Schalke avec un peu plus d'humilité, on sent qu'il y a un groupe qui se connaît et qui est en confiance. Il y a un vrai collectif. Et qu'il n'y a quasiment pas eu match, quoi. Alors que Dortmund, à une époque, c'était plutôt l'inverse. Quoi. Notre troisième championnat, c'est la Première Ligue. Et Manchester City était sacré champion d'Angleterre hier soir avec leur victoire déjà sur Tottenham 3-1. Mais aussi grâce à la défaite de Manchester United qui savent faire, faire plaisir à notre... Contre le dernier en plus, non ? Contre domicile, contre un but à zéro. Oui. Ah, bonne saison pour Manchester. Tout pareil que Paul, comme il a dit. Du coup, Manchester City est sacré champion, pas chez eux, et en décalé. Donc je pense que Manchester... J'ai l'impression qu'ils ont un peu fait exprès. United qui a résumé sa saison en 2 semaines, quoi. Exactement. Ouais, tu es capable de gagner 3-2 et t'en mets 2-0 et t'as rien. Super le dernier. Pogba est passé à côté aussi. Illisible. Est-ce que vous voyez au début d'année là, Manchester City dominer autant le championnat d'Angleterre cette année et à quoi est dû selon vous cette domination? Déjà oui, Guardiola qui commence à avoir l'apogée de son projet avec City. On sent que l'équipe commence à bien se connaître. Elle arrive à maturité, ouais. Et puis le pire, c'est surtout l'échec total de Chelsea, qui était quand même le champion en titre. On le voyait pas si loin. Enfin, moi, je pense pas. La concurrence a rarement été aussi faible. United, au final, on disait ils ont quelques armes. Tu l'as dit, Chelsea, ouais. Chelsea, oui, voilà, le tenant du titre qui est Arsenal qui s'est écoulé. Inexistant. Bon, Arsenal, on s'y attendait. Mais Manchester, sur tout ça. On pensait un duel entre les deux Manchester qui allait tenir un peu plus longtemps, alors que Mourinho s'est écroulé complet. Voilà, je pense que tu as aussi la balance entre deux entraîneurs qui ont fait totalement la différence. Tu as Guardiola qui est au top, et au contraire, Mourinho qui a fait plonger Manchester. Qui a saccagé sa saison avec Pogba aussi. Hein. Voilà. Manchester City, ils ont sorti le chéquier surtout pour la défense. Je sais pas, vous regardez bien le recrutement qu'ils ont sorti le chéquier pour la défense. Chelsea, je crois que c'est les dispositions tactiques de Conte qui me pose question. Son fameux 3 défenseurs, je suis pas très fan. Ça a marché. Il a peu, il a été champion avec. Ça s'est essoufflé, c'est tout. Aussi une autre chose. Et comment le traitement de Michy Batshuayi et de Diego Costa. Blessé d'ailleurs, Batshuayi. Diego Costa, qui étaient les deux attaquants fer de lance, il les a envoyés mini-militari au revoir. Alors que pour moi, à l'heure actuelle. Après, Chelsea, ils sont coutumiers du fait. Hein. C'est un club qui a déjà cramé des mecs comme De Bruyne. On peut peut-être revenir sur Manchester City. C'est peut-être la. Ouais. À quoi est due pour vous cette grosse performance de cette année? Est-ce que c'est que Guardiola? Est-ce que c'est pas des joueurs tout de même comme. Un recrutement bien senti quand même. Hein. Kevin De Bruyne, Sané qui commence à monter en puissance. Ouais, depuis Sané, le temps qu'on attendait. Même Gundogan qui s'adapte bien alors que. Ça, c'est une seconde jeunesse. Il est aussi revanchard quand même, le garçon, parce qu'il a connu des hommes. Ça a toujours été un bon joueur de ballon. Devant. Qu'on le veuille ou non, qui fait quand même une grosse saison. Et puis Ederson, bonne révélation, le gardien de City. Aussi. Non, ça a bien pris, quoi. Et même derrière, je trouve que c'est pas une grande défense, mais ça tient la route par rapport au reste de l'Angleterre. Par rapport au reste de l'Angleterre, ça va. Ah oui, non, je réalisais ce qu'allait dire Dimitri, parce que je pense que c'était dire Kyle Walker, non ? Kyle Walker, ouais. Moi, je suis pas du tout convaincu, par contre, mais... Ouais, c'est correct, mais après, David Silva, ouais, voilà, David Silva qui porte l'équipe aussi. Ouais, le milieu de terrain, il est très imbougeable. Gundogan, Da Vinci, Vadeboy aussi. Ouais, j'ai pas compris Calvici. Et on passe à notre dernier championnat pour le plaisir de Yacine, mais il n'est pas là. La Ligue 1. La Juve devrait, a priori, devra s'imposer hein, encore une fois en Serie A cette année. Le seul espoir pour le Napoli résiderait peut-être dans une victoire ce week-end parce qu'il y a Juve-Napoli. Juve-Nap, ouais, c'est le moment ou jamais quoi. Mais c'est aussi une d'adium du coup. Là aussi, on arrive à la fin d'un cycle en Italie, avec l'émergence de deux clubs milanais, avec la stabilité du Napoli ou de l'AS Roma qui a fait encore une bonne performance en Europe. Ou est-ce que, comme chaque année, au mois de mars ou au mois d'avril, la Juve arrive, prend la première place et c'est terminé? C'est possible cette théorie parce que, honnêtement, cette année, on pensait qu'il y aurait un peu plus de suspense et finalement on voit toujours que la Juve dans le sprint final. Ça a mal démarré, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, la Juve. Mais souvent ils démarrent pas si bien et pas top, d'habitude ils remontent plus tôt. Là ils ont remonté quand même assez tard, mais c'est vrai que dans le sprint final ils sont toujours imbougeables parce qu'ils ont une équipe. Et dans la confrontation directe ça punit. Ouais, dans les confrontations, dans les gros matchs ils sont toujours là. Bah, y a un club qui est mieux structuré, qui a quand même plus de moyens, un meilleur effectif. Mais après il y a quoi être enthousiaste parce que on voit quand même le retour des 2000 ans. Qui reste surtout le grand Milan AC, qui reste dans l'histoire du football italien le plus important. Ouais, enfin, franchement, un petit peu. Non, c'est, attends. Moi, je serais mitigé quand même. Calme, ce retour calme, de, ça fait quand même 3-4 ans qu'on en parle, hein, du retour des 2000 ans où les investisseurs. Non, mais là, il faut quand même une saison un petit peu mieux. Il faudra du temps. L'Inter qui revient un peu plus. T'avais leur classement, t'avais leur performance. Moi, je serais beaucoup plus nuancé que toi, moi. C'est pas pour défendre Yacine, mais lui, il connaît le dossier. Au moins, il y a un projet là. Parce qu'il y a 3-4 ans, c'était le néant complet. Là, oui, au moins, là, il y a quelque chose qui se met en place. C'était une petite évolution. Donc, bien du sûr, côté... je ne te dis pas que l'an prochain, ça sera le Grand Milan, tu vois. Mais au moins, il y a ça. Il y a la Roma, les deux Romains même qui ne sont pas trop mal. Même si j'ai vu le match hier, ouais, d'Ami Romain... Dur, ouais, 0-0. Ah, très très dur en termes de rythme et tout. Même la Roma m'a un petit peu déçu, alors je les voyais un Mais petit peu le championnat italien, au final, montre qu'il est en train de reprendre une seconde vitesse parce la Lazio était quand même. Ils se sont fait sortir, mais ils étaient en quart de Ligue Europa. et puis surtout, la Roma qui va en demi et la Juve qui n'était pas si loin d'arriver en demi. Quoi. Le Real aussi, ouais. Ouais, non, ils deviennent de plus en plus compétitifs en Coupe d'Europe, donc c'est bon signe, je pense, pour enfin, le championnat. Enfin, qu'on me dise pas, ouais, la Ligue 1, c'est nettement supérieur à la Serie A. Pour moi, il y a déjà la Juve meilleure que PSG, donc forcément ça calme. Je vois plus les deux clubs romains embêter la Juve dans les années à venir. Possible, mais après il y a quand même moins de moyens peut-être sur le long terme. Parce que ça reste flou, moi, les projets milanais pour moi. Le Milan, il semblerait que l'investisseur chinois ait des problèmes avec dans son pays. On l'a pas. Mais pas ça, ouais, le problème, c'est que ça sera toujours plus attractif, je pense. Un Milan AC qu'une Lazio. Un Milan AC qu'une Lazio. Lazio, ça a toujours été un club pas un super club attractif. Périphérique, non plus. Plus la Roma qui est plus attractif. Mais la Lazio, ça sera toujours difficile. Mais ils sont toujours difficiles à battre. Ils sont toujours dans la progression. Là, on le voit encore cette année. Ils sont encore sur le podium. Donc ça prouve qu'ils sont encore bien. Ils font une belle saison. Très bien. Il y a Romain qui nous a fait la surprise d'être avec nous ce soir. Le comeback. Tout de retour grâce à notre cher SNCF. Et puis, vous écoutez, j'étais à la Ils en prennent ce soir. Et ça, c'est peut-être le plus bel exploit. Tranquillement. Il arrive pile pour le quiz. Est-ce que c'est un hasard? Je ne pense pas. Pas forcément. Pas bon, ça. Allez, pas bon, ça. Moi, je vais être inexistant encore ce soir. Bon, j'ai pas fait de question de rugby. Comment on peut peut-être non question de rugby, ni cyclisme comme ça. Non, mais c'est mort. C'est mort. C'est mort, c'est Dimitri qui gagne ce soir. Bon, allez, on passe tout de suite justement au jingle quiz. Au résultat, je croyais. Sport and chill, le quiz. Allez, je te laisse faire, Paul. Je pense que t'as pris l'habitude maintenant. Ça y est, après la messieurs, compte. Rodé, mon Paul. Première que question je joue, moi, de. Bien bah sûr, oui, tu joues, bien pour sûr. Une fois que tu l'organises pas. Question, on va commencer avec du basket et de la NBA. Yes. Rapidité, oui. Question un peu historique. Dis-moi. Qui est le détenteur du record du nombre de points inscrits lors d'un match de NBA? Abdul Jabbar. LeBron. Will Chamberlain. Kobe Bryant. Will Chamberlain. Bell. Alors, est-ce que tu saurais me dire le nombre de points? Qui joue à Liverpool? 100. 100 points, bravo Dimitri. C'était le 2 mars 1962 avec les Warriors. Il a qu'un point alors, face aux Knicks. C'était pas les Warriors de maintenant, attention. Et cette année-là, il avait marqué 50,4 points par match en moyenne. C'est joli, hein. Légèrement correct. Solide, voilà. Correct. Football, encore une fois, question histoire et rapidité. Voilà, pas pour mon Qui est le premier buteur de la Coupe du Monde? Ah, c'est un Français. Oui. Fontaine? Non. Non. Non, c'était c'est en pas 1930 copain, mais c'est... lors de la Coupe du Monde du voilà. Monde. Oui. Non. Je sais que c'est un Français, mais je sais plus. Non, vous avez pas? Vous donnez votre langue au chat. Zizou. Zizou. Benzema. Pas loin, au niveau des années. 1931, quel indice pourrait gagner? On n'est même pas. Si je vous dis Koscielny. Laurent. C'est Lucien Laurent. Ah ouais, d'accord. Okay. Lucien Laurent, okay, Lucien, ouais. C'était le 13 août. Je croyais bien le 6 ans. Je cherchais un lien avec le pédo. Bon, écoutez, messieurs, je suis un peu déçu. Box, question. Ah. Assez facile, donc rapidité. Merci. Qui était surnommé Raging Bull? Jacques Lamotta. Jacques Lamotta, ouais, bien joué. Très bon film d'ailleurs. Qui, lors de ses plus de 100 combats, n'a jamais été mis KO. Voilà, ouais. Le taureau enragé. Un des plus solides à faire renverser, hein, celui-là. Hein, coéquipier de Ricardo. On continue sur l'histoire. Football. Rapidité encore. Qui est le premier Français à avoir décroché le Ballon d'Or? Raymond Coppa. Raymond Coppa, ouais. Raymond Coppa, ouais. Romain, quelle année s'il te plaît? 1958. Ouais, il avait presque. Déjà, il y avait la dizaine. Platini en a eu 3, 83, 84, 85. Papin 1 en 91. Et notre Zizou national en 98. Question handisport maintenant. Tour de table. Très bien. Très bien. Comme vous le savez. Alors, pas handisport, mais sport et handicap. Tour de table. Comme vous le savez, Marie Bochet était la star des derniers Jeux Paralympiques avec 4 titres, comme à Sochi en 2014. Oui. Pouvez-vous me dire combien de médailles au total elle a ramené à la délégation française cette année-là ou non, en tout, je pense. En tout. Cette année-là. Donc, en je tout. Commence avec toi, mon très cher Guillaume. Un chiffre, pas, ça j'ai pas du tout d'inspi, je vais dire 18, je sais pas, je pense à ça. Ouais, 18 médailles. 11, donc je vous rappelle, elle a eu 4 médailles d'or à Sochi et 4 oui. à Pyeongchang. Dès là, ça en fait 8 hein, quand même. Voilà, donc là, ça en fait 8. Bah, 13. Allez. 13 pour Dimitri, ouais. Toi tu dis 11, Flo. Ouais, 11. C'était au JO, c'est ça? C'est au JO, ouais, JO. Oui. Allez, messieurs. Dis combien, Dimitri? 13. 12. Oh, ils se mouillent pas, les teams. Est-ce qu'elle a fait ça a d'autres gâtier. JO? C'est ça l'important? Non, bah, elle est de 94, donc elle en a fait que 2. Ah, damn. 10. Et ben c'est Romain le plus proche. Elle a eu 8 médailles. 8 médailles d'or. Ah, voilà. C'est, tu t'es vendu au final parce qu'elle a fait que 2 JO. Donc elle a rapporté 4 et 4. C'était le piège. Il y avait une place pour une médaille d'argent ou de bronze quelque part. Mais effectivement, 8. C'était le piège. Donc c'est Romain qui a une médaille. Qui a une médaille. Romain, tu vois, tu. J'ai une médaille. Tu vois, je viens, je récupère une médaille. Question football. Olivier Giroud a marqué un doublé ce week-end avec Chelsea. Ok, ça va la famille. Tour de table. Combien de buts au total pour le Français en Première Ligue? Oh là là. Cette année ou... Non, en tout. C'est pas mal, hein. Il est bien classé. J'ai regardé, il a que des dizaines. Il a au moins marqué 10 buts à chaque fois. Ouais. Ouais. Ça, c'est assez sympa. Comme Romain. Je me tourne vers toi. Donc il est arrivé lors de la saison 2011-2012 ou 2012-2013, après le titre. Ouais, après, ouais 2012-2013. Et depuis donc Arsenal, et puis là maintenant il est Romain, à Chelsea. Moi c'est pas Romain. 64. 64 pour le mec a compté avec ses doigts. Moi je compte. Le mec se rappelle tous les matchs. 72. 72 pour Dimitri. Pour Tim. Dimitri. Il a dit combien? T'as dit combien Romain? 64. 83. Pour Dimitri. 75 ouais. Pour Flo. Et 69. Je sais pas pourquoi je dis ça. J'ai ma petite idée aussi. Voilà, ouais. Celui-là. Pour mon amour, pour bien, Lyon. Flo, tu as le chiffre exact. 75 buts. Belle. T'es à 74, toi? Ouais. Et bah, c'est vraiment dommage. Pas mérité pour mon team. Donc, comme cette partie Flo, pétante, c'est un chiffre exact. Donc, je crois que je vais te mettre 2 points. Merci. On sait qu'il va prendre les manettes d'animation. Ah, il est malin, celui-là. Ça, Macron. Tennis. Pablo Andújar a gagné le tournoi de Marrakech ce week-end. Ah ouais. Le 355e mondial. Question compliquée, j'avoue. Quel a été son meilleur classement ATP? Voilà. Tour de table. Il va le chiner, mon team, là, je sens là. Je commence à ça. Flo, tu commences. Il est parti comme le TGV, lui. 14e. 25. 25e pour Guillaume. Romain, c'est ton tour. 18. Tiens. 18. Merci. 22, t'as dit 25 toi? Ouais. 22 et Dimitri? 15ème. Oui. Et c'est Guillaume qui est le plus proche. Il était 32ème en 2015. Ça allait monter. J'ai eu trop mauvais. Dans ma tête, pour moi, là, j'avais été top 20. Et après... oui, ouais. C'est vrai, moi aussi. Tu m'as volé la boxe et volé le tennis, quoi. Qui Qui suis-je? Balle au centre. Chris Ashton. Non. Paul. Tu n'auras pas le point. Non. Il n'y aura pas de façon de Chris Ashton, je me suis tu un peu embêté. Qui suis-je? Je suis né le 22 novembre 1986 à Johannesburg. Je suis un athlète sud-africain. J'ai pratiqué divers sports, notamment le water polo, le rugby et la boxe. Malgré mon handicap, je deviens le premier athlète. Quoi? Pistorius. Je deviens le premier athlète à me qualifier aux épreuves d'athlétisme pour les Jeux Olympiques. Je fais ma première course sur 400 mètres, on me surnomme Blade Runner. Je cours très vite malgré avoir été amputé des deux genoux alors que je n'avais que 11 mois. Le 14 février 2013, je suis inculpé pour meurtre de ma compagne. Riva Steenkamp, et le 24 novembre 2017, je suis condamné en appel à 13 ans et 5 mois de prison. Aïe, la malfine. Voilà, c'était en rapport au thème du jour. Je crois que c'est une fin de carrière, mais je suis pas sûr. Voilà, ouais, à mon avis. Ouais, ouais, ouais, derrière les barreaux, on se demande s'il fera les JO ou pas. Je pense qu'il fera, dans sa cellule. Pas de divorce. Point d'interrogation sur MPG. Ouais. Question football. Ah, c'est un peu une question d'actu, un peu une question. Un peu insolite qui sort de l'ordinaire. Moi, cocasse. Qui s'occupe de la communication de Unai Emery? Malarfa. Parce que c'est assez inattendu. Allez. Unai Emery. Jean-Michel Aulas. Lui-même. Ce n'est pas lui-même, mais c'est dans son entourage. Son fils? Non. Son père? Son fils, il sera un peu jeune, je pense. Et sa femme? Non plus. Attendez. Vous avez dit fils, femme, père? Son cousin. Son beau-père? Son cousin? Non. Frère? Ouais, son frère. C'est son frère. Allez, au buzzer. Est-ce que tu as le prénom? Igor. Igor Emery? Igor Emery, c'est lui qui s'occupe de la communication. Il va pouvoir se reposer là. On a entendu parler de son équipe. C'est pour ça que je me suis permis. Il y a de belles vacances pour lui là. En question. Donc, messieurs, j'ai encore une fois 0 points. C'est des inutiles. Du coup, on va passer à une question de sport automobile. Ah. Encore une fois, une question d'actualité. Quelle était la voiture de Sébastien Loeb pour le rallycross de Barcelone? Pour le rallycross de Barcelone? Parce qu'on a l'habitude, il était avant chez Citroën. Peugeot. Mais je sais pas quoi. Peugeot de Dimitri. 308. Non. Mais c'est Dimitri qui marque le point. Non. Quoi? Bah, ouais, je donne un autre point pour celui qui trouve le modèle. 307. C'était pas un 807 qu'il y avait familial. T'étais pas loin tout à l'heure. Toi. C'est une 106. Bon, messieurs, je ne vous mets pas de points. 208. C'était une 208. Une Renault Civic. Romain. C'était une Peugeot 208 WRX où il a fini deuxième d'ailleurs. Ouais, toujours avec la 1008. Ouais, aucun intérêt dans cette course. Avec les portières coulissantes électriques. Hein. C'est pas mal ça. Un peu familial, mais ouais. Est-ce qu'il y a la sécurité en fond? Alors, c'est Sébastien G derrière, t'es impeccable. Question un peu cocasse, encore une fois. Oula, c'est ça. Une équipe étrangère est arrivée en tête de la saison régulière. De quel sport parle-t-on? NBA, c'est Toronto Raptors. Bien joué, mon petit team, bravo. Tu as trouvé, tu es le vainqueur. Mec, ça arrête plus. Encore une question de basket. Décidément. Quel est le nom de la proie? J'ai pas J'ai pas Il y a match nul là, non? Je pense que... T'as dit quoi, toi? J'ai pas l'it. Ouais, J'ai pas l'it, toi aussi t'as dit J'ai pas l'it. Bah oui, mais bon... Bah un point chacun. Ouais, un point chacun. T'as dit JPP, c'est pas pareil. Hein. Dimitri et Guillaume. JPP de toi, pas des... Dans le même temps, honnêtement. J'ai pas l'it, donc correct. Depuis le 2 mars, et c'est un partenariat qui durera jusqu'à la saison 2020-2021. Hélas. Ce sera notre dernière question, messieurs. Oh là. Time. À la 6 points. À la Kikadi. Qui vaut. Qui vaut 2 points. En direct. Qui vaut 2 points en direct sur le campus Montpellier. Philippe Martinez. Donc, qui a dit Philippe Martinez est personne. Il n'a jamais écrit un emploi de sa vie. Il n'a jamais vu un voyageur de sa vie, ni même un TGV. Il n'est personne pour décider. C'est Flo qui remporte. C'est sûr que c'est trophée quiz. C'est Mourad c'est Boulogéral, en connaissant le client. Qui nous dit le président de Toulon, qui est un peu remonté contre le président de la CGT. Il est remonté contre la terre entière, de toute façon. On a pas hésité à la fermer. Notamment à cause des problèmes de billetterie avec la grève de la SNCF. Mais voilà, c'était. La fin de ce quiz vrai. Un peu coquin sur les bords, je l'avoue. Coquino, un peu cocassinou quoi. Allez, go enchaîner quoi. C'est le mot du soir. Cocassinou, c'était le nom de ce quiz de ce soir. Je te remercie en tout cas d'avoir fait une nouvelle fois ce quiz. Quant à nous, on va passer à l'agenda. Le football, il y a beaucoup de matchs cette semaine et ce week-end. Mardi, il y a Leverkusen-Bayern en pokal, comme on dit, en Coupe d'Allemagne. Oui. Il y a le championnat qui reprend, notamment en Angleterre. Il y a Brighton-Tottenham. En Liga, il y a Celta Vigo-Barcelone, par exemple. Mercredi, pareil, c'est le multiplex Serie A. Torino-Milan, AS Roma, Genoa, Fiorentina-Lazio. En Première Ligue, Bournemouth, Manchester United. Il y a la Coupe de France, Caen contre le Paris Saint-Germain. Wow. Et en Liga, il y a un petit Real Madrid, Bilbao. T'as pas cité l'autre match de Coupe de France qui est le plus intéressant? Ouais, les Herbiers contre. Contre Chambly. Mais je sais pas quand c'est. C'est ben, le jour d'après, quoi. C'est le jeudi pas du film. Pas du film avec bon, très bon, très bon, film. La... Ça doit être le jeudi. Celui-là est le plus intéressant, le match, quand même, en termes de suspense. Oui, oui, c'est sûr, en termes de suspense. Après, Sociedad Atlético en Liga jeudi, tout comme Burnley, Chelsea en Première Ligue. Du coup, je pense qu'il y a l'autre match de Coupe de France, pas Chambly et les Herbiers. Oui. Week-end étranger, les gros matchs en FA Cup, Manchester United, Tottenham. En Copa del Rey finale, Barcelone-Séville. En Bundesliga, Dortmund-Leverkusen et en Serie A, Juventus-Napoli, on en a parlé tout à l'heure. Pas mal ça. Ouais, décisif pour le dernier espoir de titre quoi, pour Naples. En week-end, la dernière ligne droite, c'est all-in là sur celui-là. En week-end Ligue 1, Nantes, Rennes, Dijon, Lyon, Marseille, LOSC, Nice, Montpellier et Bordeaux, PSG. C'est pas un bon match quoi. Et en Dijon, ouais, même le Marseille. Et en foot féminin, je rajoute, il y a Manchester City, Lyon en Champions League, et il y a un classique PSG-OM en D1 féminine cette semaine. En rugby. En rugby, pas de top 14 le week-end prochain, ce sera une pause européenne avec plusieurs matchs. On arrive en demi-finale, c'est la Champions Cup, puisque le vendredi, Leinster Scarlets, il y a aussi la Challenge Cup où Pau se déplace à Cardiff, et aussi il y a les barrages de Pro D2 entre Mont-de-Marsan et Béziers et Grenoble-Biarritz, on en a parlé tout à l'heure. Et ensuite, il y a l'autre affiche des demi-finales de Champions Cup, c'est le Racing qui reçoit le Munster, le Racing qui est le seul représentant français de cette compétition. Et voilà. Ok, en handball, mercredi, très important pour Montpellier puisque c'est le match aller de Champions League à Flensburg contre Montpellier. Après, il y a le championnat Nantes-Tremblay et c'est son PSG. Et sinon, le week-end, samedi, il y a Kielce-PSG en Champions League. Ah. Et le dimanche, Kiel-Vardar et Nantes-Kern, toujours en Champions League. Et en D1, ça sera Montpellier contre Nîmes dans le derby, ça sera à l'Arena. Intéressant. En cyclisme, grosse semaine de cyclisme, alors, puisqu'il y a mercredi la Flèche Wallonne et dimanche Liège-Bastogne-Liège. En basket, en NBA, Dimitri ou Guillaume, peu importe. Guillaume. Alors, on peut faire un petit récap déjà sur les scores qu'il y a eu dans la semaine. En notable, les Warriors qui ont gagné contre les Spurs, pas trop de surprise. Je parle de matchs, on va dire, assez surprenant, notamment la défaite assez large au final des Cleveland Cavaliers de 18 points face aux Pacers. Un choc intéressant qui était à suivre, le Thunder qui l'a emporté face aux Jazz. Et aussi au terme des prolongations, le Celtics qui l'a emporté contre les Bucks. Après en... Ça va être les playoffs là ? Si justement c'est les playoffs, c'est pour ça que c'est les playoffs, d'accord. J'en parle à suivre cette semaine. Alors le deuxième match entre le Wolf et les Rockets qui a été très intéressant puisqu'il y a eu 3 points d'écart au premier match, donc ça sera intéressant de suivre. Intéressant de suivre aussi la révolte, j'espère, de Cleveland face aux Pacers. Et aussi il y a un match qui a été très serré, c'était Portland Pelicans aussi, où il y a eu 2 ou 3 points d'écart, donc ça serait intéressant de suivre ça. Après en notable, qu'est-ce que j'ai Philadelphie qui a écrasé Miami Heat, là il n'y aura pas trop de suspense à mon avis. Ça peut faire 4-0 ce soir. Ouais, à mon avis ça peut faire 4-0. Et aussi le Raptors Wizard qui était finalement assez serré, ça serait intéressant de suivre le match de la semaine. Là il y aura 2 matchs dans la semaine entre chaque confrontation, donc voilà, on en saura beaucoup plus déjà lundi prochain. Tu choisis un match pour le pronostic et on fera l'autre Monte Carlo de basket. Ouais, on fera après du coup là le tennis avec Monte Carlo. Ouais, Monte Carlo qui a commencé depuis dimanche, là il y a eu les premiers matchs. En match intéressant, j'ai un Benoît Paire contre Feliciano Lopez, pardon. J'ai un duel 100% français, Simon Manarino. Un autre match pas mal, Roublev de la Next Gen contre Dominic Thiem qui a pas mal de points à défendre sur terre. Deuxième joueur à devoir défendre le plus de points derrière Wawrinka. J'ai ensuite Lucas Pouille qui va affronter Misha Zverev. Normalement, ça devrait le faire, mais attention. J'ai Verdasco Cuevas aussi, un 100% terrien, pas mal. J'ai un autre 100% français, Chardy Gasquet. Et moi, je pêche pour Gasquet, ça. Ouais, mais normalement, sur terre, il devrait pouvoir le prendre le dessus quand même sur... Moi, je parie Gasquet. Et après, sinon, j'ai mercredi, il y a un match pas mal. C'est Bernard Koric qui joue vraiment pas mal, qui est peut-être à son pic de forme et qui joue The Revenant à Novak Djokovic. Ok. Donc, à voir. Très bien. Il y avait de la boxe dernièrement. Oui, boxe. Alors, deux combats, on va dire, de seconde zone. Pas du top, mais c'est quand même intéressant. Karl Frampton qui défiera Noito Donner, qui est une des références dans la catégorie. Donc, on verra s'il est vraiment sur la fin ou pas. Il y aura un titre WO en jeu, c'est poids plume. Et en poids léger, on a un petit Adrien Bronner, Jesse Vargas. Aussi deux prétendants au titre qui sont en tout cas pas très loin. Donc, ça sera important de gagner pour se positionner pour une ceinture éventuellement dans l'année. Très bien. Et du coup, donc le match NBA que tu nous as choisi pour le pronostic. Alors, j'ai choisi, j'espère que Dimitri sera assez d'accord. J'ai choisi le match 3 entre les Rockets et les Wolves. Oui, pas mal. Rockets et Wolves, qui se jouera samedi. Sur jouera chez les Rockets, c'est ça? Chez les Rockets chez les Wolves. Non, chez les Wolves, ouais. Chez les Wolves, d'accord. Ouais. Du coup, ben, pronostic, tu commences. Sachant que Houston a gagné de très peu le premier à domicile, donc voilà. Donc là, pour l'instant, ça fait 1-0 pour les Rockets. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors. J'ai juste le vainqueur. D'accord, merci. En fait, j'avais pas. Allez, je vais dire Rockets après prolongation. Je marque Rockets. Hein. Tu mets AP à côté. Okay. Voilà, ça c'est bonus, ça c'est pour te régaler. Ça. Allez. Ça, tu prends un supplément chez c'est qui a fini meilleur dans la catégorie Houston, ils ont fini. Houston, premier, ouais. Ouais, premier. Bah, Houston Rockets. Chez les Wolves, c'est chez les Wolves. Par contre, c'est ouais, chez les Wolves, qui est un gros outsider. Ben, les Wolves vont croquer les Rockets. Oh. Possible, le missile. Ok. Allez. De même, je mets une petite pièce sur Minnesota pour aller chercher. Ok, les Wolves. Non, moi je veux dire les Rockets. Les Rockets. Dimitri. J'ai travaillé celui-là. Les Wolves. Les Wolves. Bien. Du coup, moi je dis les Rockets, trois partout. J'attendais un match serré, voilà. Et du coup, deuxième pronostic, Monte Carlo, on peut le faire. On va faire très rapidement. Je vous dis juste les têtes de série et non pas les têtes d'affiche. Tu veux choisir ce match ou t'en as en tête? Non, j'ai le vainqueur. Le vainqueur. Ah, le vainqueur. Donc, vu que ça va finir dimanche. Il y a donc Nadal, tête de série numéro 1. le 16, Manarino. 9, Djokovic. Dominic Koric, comme tu as dit tout à l'heure. Roublev, Tim. Dimitrov. Tim qui sera à Monte Carlo, ouais. Moi, non, mais Toto, il est Ramos, Bautista, Ogut, pardon. Pouille. Pas David. Zverev, Gasquet, Chardy en français. Zverev, Michin, parce que. Les deux, Zverev, il y a les deux. Ouais. Okay. Ah ouais. Rafa, moi, Carreno Busta, Medvedev, Nishikori, Raonic, Verdasco, Cuevas, Ilic. Voilà, je vous dis tout. Gasquet pour moi. Non, je rigole. Calme-toi, enlève ce stylo de là. Ah, je vais mettre quand même un petit Rafa. Il a déjà fait des grosses performances avant. Tu vas mettre qui? Ouais, mais il a jamais gagné. Rafa, quoi. Rafa, ouais. Pas de grosse surprise. Je pense qu'il y a pas de la cote qui doit être 1-0. Hein. Moi, je mets Rafa aussi. Ouais, bah là, je crois, de toute façon. On va être une ligne, hein. J'ai failli mettre Pablo Noir, vu sa forme internationale, mais. Ah ouais. 3-15 la cote sur Pablo. Il va faire une rubrique côté des matchs, peut-être. Ça va bientôt, pas être très original, mais là, quand même, chambre ouais. Rafa. Puis en plus, supporter du Real. Hein. Ouais. Et en plus, ouais. C'est la famille. Supporter hein. Madrilène. Qui sait ouais. Ah, je veux dire Rafa aussi, parce que il n'y a pas de. Dimitri en direct, quoi. Bah, ben là, à mon avis, ouais. Dimitri, quand même, surprendre, je le sais. Personne qui tente, hein. Les Wolves aussi. Je vais tenter. Allez, un petit rien. On va dire. C'est que, le il y a Verdasco si tu veux. Non, le petit jeune là, le Bautista là. Bautista Ogut. Carreno Busta. Non, je pense qu'il y a vraiment qu'il a une chance. Ouais, gros outsider quand même, mais bon. Après, en finale, ça peut se faire tarter quoi. Il faut, tu dis quoi? Ça va prendre des chiches de couvre encore là. Moi, je tentais un truc. Vas-y, Chardy, improbable. Team, c'est jouable. Ouais, je vais mettre Team. Outsider, c'est bien. Je vais mettre Team. Ah, on a fait une grosse aventure sur mon Team. Blessé, là. Je vais mettre Team. Ça va même pas en demi-fond. Voilà. Ah oui, j'annonce demain, il sort contre Blef. J'annonce juste une victoire française en cyclisme lors des deux mythes en classique. Moi j'annonce qu'il n'y en aura pas, moi. Ah, tu peux dire de qui, hein. Il n'y a pas 10 000 cartes. Ça, si, il y en a peut-être une deuxième. Si t'as Juliette, t'as Alaphilippe, c'est sûr, mais t'as Rudy Moulin, tu peux citer aussi. Non, j'ai Alaphilippe, évidemment. Au niveau du pronostic, la semaine dernière, il y avait OM Leipzig. Je crois que. On était en frère et tout, parce tous ratés, ouais. J'ai compté ceux qui avaient pronostiqué la victoire de l'OM. Donc, à savoir Dimitri. Tim avait dit la victoire de l'OM et Paul. Pour moi, le vote il compte pas parce qu'il n'y avait pas Werner. Donc, j'ai mis un point à chacun. Biaise tout. J'ai mis un point à chacun. C'est vrai. Merci. Du coup, je suis toujours premier avec 16 points. Guillaume et Dimitri 11. Romain 10. Ouais, y a un petit écart, quand même. Théo 8. Yacine, Paul et Tim 7. Vincent 6. Moi, je suis monté à 8 là, non, du coup. Comment ça, faire le marchand de tapis, toi. Je sais pas. Eh ben non, c'est parce que tu fais les quiz que ça y est. Ouais, il croit avoir des avantages. Je vais m'en donner, je vous le dis. Il monte à l'UFA. T'as raison de le dire. Vincent 6, Thibaut 5, Sylvain et Anto 3. Non mais Tim aussi je crois du coup t'es monté. Ah non. Du coup on va terminer là-dessus. Je remercie les auditeurs de nous avoir écoutés. J'espère que ça leur a plu aujourd'hui. Remercie aussi des chroniqueurs ce soir d'être venus, et Romain d'être venu à la fin avec nous. Merci à toi. Merci et des invités. À la photo finish, moi, Romain. Des Exactement. Invités aussi, comme d'habitude, d'être venus avec nous, d'avoir parlé sport et handicap. Je ne me trompe plus. Ouais. Je pense que c'est un sujet intéressant et abordé et sous-médiatisé, comme d'habitude. Malheureusement. Donc voilà. Et à la technique, évidemment, Tom, oui. Comme d'habitude, d'être avec merci nous. Merci Tom. Et qui j'ai régalé avec ses sons. Je remercie doublement Jean-Luc. Nous, on va terminer là-dessus. On vous retrouve la semaine prochaine, sûrement Yacine et Vincent à l'animation, puisque je ne suis toujours pas là, décidément. Vraiment, vraiment, je retourne dans mon ordre natal. Et donc, ça parlera. Je vous donne juste le débat de la semaine prochaine. Ça sera la France est-il le pays le plus complet au monde au niveau du sport? Oh là là, pastèque. T'as l'air de faire, je suis en vacances. Voilà. Nous, on va terminer sur un reportage d'une minute trente de Stéphane Houdet, le tennisman qui a gagné plusieurs fois Roland Garros. C'était surtout le sport. Franchement, on va terminer là-dessus. Et on se retrouve, enfin, pas moi, la semaine prochaine, mais entre vous. Vous retrouverez la semaine prochaine, 19h-21h, sur Radio Campus Montpellier. Salut à tous. Merci. Il a encore dans un coin de la tête le soleil radieux des Jeux Paralympiques de Londres. Sous les feux des projecteurs en tennis-fauteuil, Stéphane Houdet, il décroche une médaille d'argent à valeur d'exemple. Ce qui est intéressant par rapport à l'éclairage, c'est que des enfants puissent se dire « Ah bah oui, pour moi aussi c'est possible, et demain si je veux être un champion alors que je suis en fauteuil, aujourd'hui je sais que je pourrais le faire. » Et aujourd'hui, en vedette du tournoi de la Baie de Somme, la réussite olympique de Stéphane fait saliver les jeunes joueurs handisport venus du monde entier. C'est un dieu, c'est le meilleur joueur du monde, le numéro 1. Okay. À 34 ans, un accident de moto le prive de sa jambe gauche. Mais pas question d'arrêter le sport. Le Français se lance alors dans une carrière de tennis fauteuil, toujours en mouvement. Avec la vitesse, je peux récupérer la balle, sinon je suis pris. Et là, tout pour vous. Ce jour-là, en finale, devant le public picard, Houdet ne laisse aucune chance à l'Argentin Fernandez, numéro 6 mondial. Victoire 6-4, 6-3. Salut Henri, salut tout le sport. Objectif Rio 2016, mais avant j'ai encore du boulot, je veux rester numéro 1 mondial. Bonne soirée. La belle histoire continue.